Bonjour tout le monde, mardi, c'est le 18 octobre, c'est Fun Radio. Comment ça va? J'ai rechopé la crève, les amis. Oh! Bah oui, ça s'entend! Ah bon? Ah bah quand t'as un œil comme le mien et qu'il est bouché, oui, je te confirme, ça s'entend. Et puis ça fait mal, hein, la crève, tu vois. Parce que moi, par exemple, j'ai eu ma femme qui a accouché il y a deux semaines. Je l'ai vue, alors j'ai vu qu'elle avait un peu mal, mais je me suis dit, si tu savais ce que c'est qu'être un homme et avoir la crève, bien sûr. Peut-être tu te plaindrais moins. Mais peut-être. Oui. Parce que vous, les filles, vous avez la crève, voilà, vous mouchez une ou deux fois et ça passe. Ouais. Nous, les mecs, quand on a la crève, je peux te dire que c'est pas la même chose. C'est dur. Mais bien sûr. Quand on n'a pas de péridurale, nous, pour la crève. Hein. Voilà. Moi, je me suis réveillé ce matin, je peux te dire. Heureusement que Vacher m'a envoyé un message en me disant viens, t'inquiète, on va te porter. Ouais. T'iras jusqu'au bout de cette émission. Ouais, je t'ai dit, tu vas t'en sortir. Bien sûr. Tu fais le déclic. Je me suis levé avec difficulté. Je me suis douché, c'était compliqué. Tu t'es traîné, quoi. Je me suis traîné, bien sûr. Et après, vous venez nous faire chier avec vos accouchements, vos... Ouais, et oh, sûr. Je sais pas pourquoi on se plaint. Bien sûr. Bien sûr. Et il y a un rhume une fois pour voir ce que c'est. Et je suis là. Attends, t'as juste un rhume ou t'as mal à la gorge en plus? Non, j'ai juste un rhume, j'ai le nez bouché. J'aurais pu prendre un... Tu vois, il y a les congés de la maternité, pourquoi on prend pas des congés rhumanité? Bien sûr. Bien sûr. Eh ben non, je suis là. L'équipe de Bruno dans la radio, on arrive chez vous là dans moins de 3 minutes, les amis. Encore une grosse émission ce matin qui va bien se barrer en sucette, je préfère vous prévenir. Chainsmokers pour attaquer. Ouais, on va taper dès le départ. Nouveau Cachemire, Invisible Children et David Guetta. Ça me fait toujours gueulerie de dire un vieux David Guetta, le truc est sorti il y a un an. Dangerous. Allez, vous allez jouer avec nous. 32-28, on attaque la matinée avec un toto gagné, toto perdu. Il y a des beaux cadeaux dedans ce matin. Vous allez repartir là dans 10 minutes avec votre écran LED à 32 pouces, un casque Bose complètement Bluetooth qui est juste canon, qui vaut 250 balles hein, quand même le dossier. La montre connectée Mykonos The Fit 2 et la compile Bruno dans la radio. Ces quatre cadeaux, vous les raflez dans le toto gagné, toto perdu. On arrive chez vous la famille juste après les infos, c'est mardi. On radio. Le son Dance Flo. L'actu de ce mardi, 18 octobre, avec Max Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Et on commence par la météo. Un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le temps se fera plus couvert à la mi-journée au nord, entre la Bretagne, le bassin parisien et les frontières de l'Est, avec quelques averses. Il fait ce matin 7 à 14 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez 13 à Lille et Reims, 14 à Paris et Brest, 17 à Lyon, Tours et Tarbes, 22 à Perpignan. La colère des forces de l'ordre. Plusieurs dizaines de voitures de police se sont assemblées cette nuit sur les Champs-Élysées à Paris. Une mobilisation nocturne pour exprimer leur mécontentement 10 jours après l'attaque contre des policiers à Viry-Châtillon en Essonne. 500 fonctionnaires ont circulé à bord de voitures banalisées, gyrophares allumés autour de l'Arc de Triomphe et sur la plus belle avenue du monde. Eux aussi sont en colère. Les journalistes de la chaîne iTélé sont en grève depuis hier matin. Ils protestent contre l'arrivée à l'antenne de l'animateur Jean-Marc Morandini. Son émission a quand même été diffusée. Une assemblée générale est prévue à 9h ce matin pour décider de la suite à donner au mouvement. Morandini reste mis en examen pour corruption de mineurs aggravée. Nuit galère pour 12 000 usagers de la SNCF en cause. Un suicide sur la ligne Paris-Lyon-Marseille dans Lyon, près d'Auxerre. Des milliers de voyageurs ont été retardés pendant plusieurs heures. Le Tour de France 2017, le tracé de la 104e grande boucle sera dévoilé ce midi au Palais des Congrès de Paris. Une seule certitude pour le moment, les coureurs s'élanceront de Düsseldorf en Allemagne pour un contre-la-montre de 13 km. Ils devraient ensuite parcourir la Belgique puis le Luxembourg avant de gagner l'Est de la France. Le foot, c'est avec le début de la troisième journée de la Ligue des Champions. Monaco tentera de conserver la tête du groupe E avec un déplacement ce soir sur la pelouse de Moscou. L'Olympique Lyonnais essaiera d'obtenir au moins le point du nul au Parc OL contre la Juventus de Turin. Coup d'envoi des matchs à 20h45. Il est 6h03, bon réveil à l'écoute de Bruno sur Fun Radio. Fun Radio. Mardi, c'est le 18 octobre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h03, bonjour! Bonjour! Bienvenue la famille, on est en pleine forme, grosse émission ce matin! C'est le Cast the Rice, c'est le Cast the Rice, c'est le Cast the Rice, c'est le Cast the Rice, c'est le Cast the Rice. Jean du Jardin avec nous tout à l'heure. Bruno Salomon. Et petite surprise. Ça c'est énorme. Ouais, Big Flo Oli qui vont venir aussi. C'est eux qui font le générique de Brice 3. Voilà. Et comme ça, on aura quand même une bonne team du film avec nous tout à l'heure à partir de 8h15. On a prévu une émission de ouf, je préfère vous le dire. 8h15 tout à l'heure, Jean Dujardin, Bruno Salomon, Big Flo Oli qui vont venir à la veille de la sortie du film Brice 3 sur les écrans hier, qui est juste le film le plus barré, je pense, de ces 10 dernières années. On sent qu'ils se sont fait plaisir, en tout cas. Voilà. Tu sais, il a gagné l'Oscar pour The Artist. C'est un peu comme un gars qui aurait gagné l'Euromillion, tu vois ce que je veux dire, et qui, plutôt que d'aller dans un resto super gastronomique 18 étoiles, va chez Domac avec ses potes et rince tout le monde, en fait. Mais en fait, il a dit une phrase qui a super bien résumé le truc. Hier, Jean Dujardin, c'était dans 20 minutes, je crois. Il a dit, en fait, j'ai tiré la chasse de l'Oscar avec ce film. Mais bien sûr. Et je trouve que ça résume bien le truc. Mais il est classe. Franchement, c'est classe. L'équipe de Bruno dans la radio. Très classe aussi, vraiment. Regardez Christina, par exemple. Bonjour à tous. Elle a mis son petit... J'essaye d'être à la hauteur. Petit t-shirt Michael Jackson. Ah bon ? Mais Michael Jackson, époque black, hein, visiblement. Oui, bah, il avait commencé à faire des choses quand même. Oui, c'est vrai. Hein ? On voit qu'il s'éclaircit doucement quand mais même. Mais il avait déjà le nez qui était un peu passé au bout. Comment ça va, mon bâché ? Ça va super, moi, je suis trop content. Je suis hyper fan de Jean Dujardin et Bruno Salomon et tout. C'est hyper cool, quoi. Il va être gêné, tu vois. En vrai, moi, ça me fait chier. Il y a un truc qui me fait chier dans la radio. Voilà, j'adore la radio, mais il y a un truc qui me fait chier. C'est quand on reçoit des stars. Parce que quand je m'en fous, quand je les aime pas, c'est facile. Ouais. Et quand t'es fan, c'est hyper dur, quoi. Et Elise et Moon, voilà, c'est des mecs comme ça qui nous ont fait marrer quand on était petits. Jean Dujardin, Bruno Salomon. Et je vais être comme un con, je sais. Je vais essayer de faire des blagues, je vais pas y arriver. Compliqué. Je vais essayer de poser des questions, je vais faire. Tu vois, un peu comme Elliot fait tous les jours, tu vois. Ça va, mon Elliot? Bah, ça va. Moi, fan ou pas fan, effectivement, je serais comme ça. Mais c'est vrai que j'ai découvert Jean Dujardin, moi, avec Brice Denis. C'était pile l'époque où Internet commençait. T'avais les vidéos, il était avec Bruno Salomon et tout. Ah, ouais. Ça, c'était bien. Moi, j'ai pas connu les Nous, c'est nous. Ah, est-ce qu'on va en plus? Moi non plus. Hein. Sur France 3, les Nous, c'est nous, bien sûr. C'est pile l'époque où Internet commençait. C'est vrai, avec Kaza et Emule et tout, tu téléchargeais les vidéos de Brice Denis. Merci, papy. Bon, en tout cas, il y a le hashtag Bruno Fun Radio, la famille, vous êtes déjà au top. J'ai envie de vous dire, on est déjà top tweet France avec le hashtag Bruno Fun Radio. Ça fait plaisir. Vous êtes au top, pas tant pour l'équipe, mais pour Mélissa, c'est l'auditrice du jour. L'émission lui appartient ce matin. Applaudissements pour Mélissa, elle a 25 ans, elle habite à Orléans. Wouh ! Salut Mélissa. Bruno dans la radio. Oh, la classe d'être la taulière de l'émission où va passer Jean Dujardin et Bruno Salomon, ma belle. Ouais. Tu fais quoi dans la vie du côté d'Orléans, Mélissa ? Alors moi, pour le moment, bah, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants. C'est bien, t'en as combien ? J'en ai 3. Putain, à 25 ans ? À 25 ans, 3 enfants ? Ouais. Et dis donc, il n'y a pas le chauffage à la maison ou c'est quoi le délire ? C'est drôle comme expression. Ils ont quel âge ? Alors, ils ont 4 ans, 3 ans et 1 an. Ah d'accord. Ah, tu nous as fait un petit retour de couche, toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Eh bah, bravo. Hein. Tu connais pas ça, Vacher ? Le retour de couche ? Ouais. Non, c'est quoi ? Retour de couche, c'est quand tu fais un câlin un peu trop proche de l'accouchement, d'accord ? Ouais. Et que du coup, la femme retombe enceinte tout de suite. Alors, j'ai pris déjà aucun risque à partir du moment où t'as dit quand tu fais un câlin. Ouais, d'accord. Non, mais c'est pas tout de suite, c'est dans quelques mois. Hein. Ah ouais ? Ouais, ouais. Mélissa, c'est quoi les prénoms ? Allez, me dis pas. Est-ce qu'on est sur du prénom un peu ancien, moderne, ou sur du prénom à consonance américaine ? J'en ai un ancien et j'en ai deux, enfin, d'origine turque, donc pas française, quoi, en fait. Ah, merde. Mais c'est plus compliqué, là. Ouais. Bon, d'ailleurs. Tarkan. Sur le turc. Le turc, parce que le turc, ça n'a rien à voir. Tarkan. Non. Bon, c'est quoi le prénom turc ? Alors, j'ai Emine. Ouais. Emile ? Emine, avec un N. D'accord, ok, très bien, prenez un chewing-gum Emine. Et les deux autres, c'est quoi ? Ilan. Ouais. Et le troisième, hors sujet, mais c'est Daniel. D'accord, ah oui, d'accord. Lui, c'était, Daniel, j'adore ce prénom. J'aime beaucoup. Ouais. C'est le prénom du beau-papa, donc. Mélissa, t'es l'auditrice du jour. Ça te donne 2-3 privilèges. Déjà, tu peux coucher avec n'importe quel membre de l'équipe si tu veux faire un quatrième enfant. Ça, c'est le premier truc. On vient de voir ta photo en plus sur la photo du jour. C'est plutôt mimi. Hein. La deuxième, c'est que jusqu'à 9h15, t'as la ligne directe pour participer à l'émission. Puis la troisième, c'est que tu peux poser une question à qui tu veux dans l'équipe. C'est la question du jour. D'accord. Alors, moi, j'ai une question pour Vacher. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, déjà, je sais que t'es papa depuis peu, donc félicitations. Merci. Et j'ai une petite question simple et bête. J'aurais voulu savoir en fait ce qui te manque le plus depuis que tu es papa. Ah, c'est une très, très bonne question. Je crois qu'il l'a dit en préambule. Hein, ce qui lui manque, c'est... C'est ça, je pense. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a un truc, on est un peu nul avec ma meuf, mais je pense qu'il y a plein de gens qui font ça, c'est qu'on aime bien regarder des séries de temps en temps, tu vois. Mais ouais, vraiment glander, genre pendant une heure ou deux. Et ça, je sais que c'est très difficile. On était en train de traîner sur Netflix avant que le bébé arrive, on se matait toutes les séries, on avait découvert Bloodline, que je vous conseille, c'est génial. Et là, on ne peut plus regarder de séries. Parce surtout que Vacher... Oui, je sais. Ça y est, ouais, ça repart, ça redémarre Walking Dead. Et c'est quand? Je te raconterai, là, ils ont diffusé avant-hier aux États-Unis l'épisode de 2 heures qui résume toutes les saisons. Ouais. Et là, ça réattaque la semaine prochaine. Je suis comme un ouf. C'est horrible. Voilà pourquoi tu. Faut jamais faire d'enfant. on m'avait prévenu. Hein. Mélissa, t'as la réponse à ta question, ma belle. D'accord, merci. Bisous, gros bisous, chérie. Passe une belle journée. Gros bisous, bonne journée à vous. N'en profite pas pour faire un enfant dans mon dos. On attaque l'émission avec The Chainsmokers Closer. Fun Radio. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Vous êtes sur Fun Radio ce matin, vous venez d'arriver et vous avez un peu de mal. Vous avez un peu de mal, pourquoi? Parce que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs années, vous ne vous réveillez pas avec Fun Radio. Et le matin, vous aviez des chansons qui étaient comme vous, la tête dans le cul. Alors bienvenue sur Fun. Les amis, on écoute la radio le matin pour se réveiller, pour partir bosser. On a le son qu'il faut pour vous accompagner. Cachemire, David Guetta. ou Richard Orlinski, qui sera ce soir chez JB, Richard Orlinski avec Eva Simons. C'est ce qui arrive là dans la demi-heure sur Fun Radio. Et alors, je viens de tomber sur un dos, les amis, dans le journal ce matin. Je voulais vous en parler. Alors, vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner. J'aurais lancé un sujet. C'est quoi le truc que vous êtes incapable de bouffer? L'aliment que vous détestez le plus? Moi, il y en a beaucoup. Hein. Le premier, c'est les tripes. Jamais de ma vie, je ne goûterai des tripes. Tripes, vacher. Les betteraves. Je betteraves. Déteste ça. Bah, tu peux pas choisir les betteraves, c'est le mien depuis que je suis né. Ah ben, on a le même alors. C'est dégueulasse. C'est que on peut avoir un truc en commun des fois, Elliot. Oh, les betteraves, c'est mon truc. Il y a que moi qui déteste les betteraves. C'est super bon les betteraves. Mais oui, c'est super bon. Une salade de betteraves avec 10 oignons. Non. Déjà, je sais pas si c'est pour toi pareil, Elliot, mais le côté sucré dans un légume, il y a quelque chose de pas logique. Ah non, rien à voir. Moi, c'est l'odeur. Rien qu'à l'odeur, je vomis. Genre, tu me la mets, tu mets une betterave là à côté de moi, là, la salade, la rouge. Alors qu'un gros truc qui a frit dans l'huile pendant 1000 ans, qui pue bien le graillon, comme on dit chez moi, ça t'aimes bien. Oh, j'adore. Je suis tombé sur le classement des aliments les plus détestés des Français. Ouais. Et tu sais quoi? On va vous demander à vous, là, tiens, 32-28, c'est quoi le truc de bouffe? Vous pouvez pas, c'est pas possible. Mais ça peut être quelque chose. Moi, par exemple, j'ai un copain qui peut pas manger de frites. Ah bon? Ouais. Les frites, ça le ferait gerber. Je vous jure que c'est vrai. Ah ouais, par contre, tu lui donnes un brocoli, il est comme un ouf, quoi. Non, un choucal. Tu regardes, moi, je déteste, mais je peux pas manger non plus le ketchup. Et ni le coca. Et pourtant, je t'explique. Le ketchup, faut l'accompagner avec un truc normal. Ouais, c'est sûr, si tu le manges dans un bol, c'est un peu écœurant. C'est pour ça. 32-28 ou hashtag Bruno Fun Radio. L'aliment, vous pouvez pas, quoi. Top 3, donc, alors, je vous dis les aliments les plus détestés des Français. Ouais. C'est une étude qui a été faite. En 1, c'est le fromage. Le fromage, c'est la vie, quoi. Ah bon? Ouais. En 2, la charcuterie. Quoi? On est sur le régime, quand même, là, ce que je cite, c'est le régime d'Eliott. Hein. Le régime français, surtout bien, vois. Donc, 1, fromage, 2, charcuterie, en 3, les desserts. Bah, attends, mais c'est global, c'est global, bien sûr, mais c'est une étude qui est sortie, voilà, je vous la file. En 4, le poisson, et en 5, la viande. Ah ouais. C'est nul. Ouais. Ils sont tarés. Ouais, moi, par exemple, je suis pas fan des yaourts, tu me diras. Moi, je crois que j'aime tout. Ah ouais? Mais toi, t'es pas difficile. Ah, mais alors moi, j'aime tout. Moi, c'est ouf. C'est-à-dire que jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était les endives au jambon, j'avais du mal. Et en fait, j'en ai rebouffé là chez des potes il y a pas très longtemps. Bah, déjà, est-ce que c'est vraiment des potes quand on fait des endives au jambon? C'est un plat d'hiver. Je sais pas, mais enfin bref. Et bah, j'en ai mangé, j'ai aimé ça. Donc, jusqu'à maintenant, c'était le truc que j'aimais pas. Bah, officiellement, j'aime tout. Mais tes potes ont 90 ans. Parce que moi, je mange que des endives au jambon chez ma grand-mère. Mais moi, j'en fais des endives au jambon. Les chicons, c'est hyper bon. Cette relation privilégiée que j'ai avec ta grand-mère. Ah. Et tu verras. Ouais. Ceci explique peut-être cela. C'est quoi l'aliment? Voilà, vous pouvez pas, c'est pas possible. 32-28, on fait de la radio ensemble. Hashtag Bruno Fun Radio. Et pour l'instant, on joue. Tout gagné, tout perdu de ce matin. Il a 25 ans, il habite à Nantes. Applaudissements pour David. Salut Bruno. Salut. Comment ça va, mon David? Bien avec toi. Eh ben écoute, super, en pleine forme, réveillé depuis longtemps, David. Depuis 5h30. Tu bosses dans quoi, David? La fibre optique. Dans la fibre optique, très bien. Eh ben David, on a eu il y a pas très longtemps quelqu'un qui bossait dans la fibre optique. Ouais. Si vous voulez passer à la maison, hein, je prends la fibre optique. Je suis en train de télécharger un jeu là sur la PS4, les amis. Je l'ai lancé dimanche. Normalement, alors je peux jouer jeudi. Ah. Nickel. Si tout va bien, si entre-temps dans la maison personne n'utilise internet. Mais celle-là, elle est allumée 24/24. Ouais, ah oui, bien sûr. Ah ouais. Tu nous appelles et on arrive, nous. Hein. Eh ben écoute, viens maintenant. Bon, David, mon pote, tu viens de gagner un écran LED 32 pouces, d'accord? Tu viens de gagner un casque Bose, 249€. Il est canon. C'est un casque Bluetooth, bien sûr. Une montre connectée, la Mykonos The Fit 2, d'accord? Et la compile Bruno dans la radio. C'est 4 cadeaux. Ils sont à toi. Maintenant, il va falloir les garder en répondant correctement aux 4 questions que je vais te poser, puisque chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. Nous sommes d'accord? Ok. Eh ben, c'est parti. Une loi interdit aux citoyens monégasques de jouer dans les casinos de Monte-Carlo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Ah ouais? Et c'est ridicule, hein. C'est-à-dire que les gens qui habitent à Monaco n'ont pas le droit de jouer au casino. Pourquoi? Cette loi date de 1987 Et à l'origine, c'était pour lutter contre l'appauvrissement de la principauté et préserver la richesse de ses habitants. Et tu sais que j'ai appris aussi une autre histoire sur Monaco. Si tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas monégasque et qui est français, tu perds la nationalité. Ouais. Et moi j'aime bien boire des Monaco. Voilà. Si j'ai envie de les anecdotes, voilà. Pas trop de mousse, mais c'est sympa. Monaco, j'y suis allé une fois dans ma vie. Ouais. D'accord. Jamais, moi. Et un jour, je suis rentré dans un casino, je dis, je vais aller jouer, tu vois. Et moi, j'aime bien jouer au blackjack. Et au blackjack, en général, tu mets 5 euros, tu joues, quoi. Ouais. Et je m'assois à la table et la mise d'entrée, c'était 50 euros. Oh là là. Et la nana m'a regardé, tu vois, non, mais non, je regarde en fait. Et très joli tapis. Hein. Allez, bonne journée. Mais je pense que c'est un délire. Moi, j'y suis jamais allée, mais mes parents y sont allés et ils m'avaient dit, quand t'es là-bas, t'as même peur de salir la rue. Ouais. Tellement tout est propre en fait. Il y a des tapis, je crois, à l'entrée de la rue. À l'entrée de Monaco, tu te frottes les pieds, tu mets des patins et tu rentres dans Monaco. Tu sais que moi, j'ai un copain qui se balade dans Monaco. À un moment, en scred, il y avait un bruit de voiture, il a voulu faire un. Il est sorti de prison avant-hier. 7 ans en tôle, il l'a passé. Bon, tu gardes tout tes cadeaux, David. Deuxième question. En termes médicaux, avoir une céphalée, c'est de ne plus pouvoir avoir d'érection. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Bah oui, c'est faux. Céphalée, c'est les maux de tête. Je sais pas. Plus d'érection, c'est l'impuissance. Je pense. Hein. Excusez-moi, je suis pas docteur Mamour, mais je pense. Tu gardes tous tes cadeaux. Troisième question. Les humains bâillent en moyenne pendant 7 secondes. Oh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Et c'est vrai. Mais moi, c'est improbable. Bah, tu vois, Elliot, dès qu'on me parle de bâillement, ou que je vois quelqu'un bâiller, j'ai envie de bâiller. Tu vois, Bruno, aussi, tu bâilles. C'est un truc qu'on se refile, là, le bâillement. C'est comme les MST. Il y en a un qui l'a, tout le monde l'a derrière. Mais tu sais que quand même, Elliot, c'est le seul gars, il baille avec une bouche tellement ouverte qu'on lui voit le trou du cul. Quoi. Il y a du jour qui arrive au fond de la gorge. J'aime bien m'étirer la bouche. Je peux dire que quand il baille, ça rigole pas. Bon, David, ça se passe plutôt pas mal, mon pote. Voici la dernière question. Le chiliogon est la monnaie officielle du Chili. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Ah mais David, il répond du tac au tac, on a l'impression que c'est lui qui a écrit les questions. Ouais. Ou alors t'es le frère de l'Ousmane au standard et il t'a donné toutes les réponses pour que tu puisses gagner la télé. Mais il y a un délire. C'est alors, tout gagné. Génial, merci Bruno, merci à Eh ben de rien, je vais quand même vous dire ce que c'est le chiliogone, hein, que vous puissiez vous la péter à la machine à café ce matin. C'est une figure géométrique. D'accord. Un polygone à 1000 côtés. Ah, je pense qu'on aura oublié dans un quart d'heure. Ouais, je pense que tout le monde s'en fout. David, l'écran LED, le casque Bose, la montre connectée et la compile Bruno dans la radio, ces 4 cadeaux, ils sont à toi. Tiens, avant de te laisser partir, l'aliment que tu peux pas bouffer, que tu détestes, c'est quoi toi? Les épinards. Eh putain, ils ont mauvaise presse les épinards. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Bah, en même temps, on dirait un peu du vomi de vache, mais. Mais non, quand ils sont cuits, encore ils sont mal cuits. Bonne salade d'épinards, c'est bon, avec du foie de volaille. Mmh. Oui, pas cuit, ouais. David, on t'embrasse, mon pote. Voici Cashmere Invisible sur Fun Radio. vous lis un petit truc calme au réveil, c'est raté. Invisible Children, le nouveau Cashmere sur Fun Radio. Dangerous, ça fait longtemps, il fait plaisir. Et dans la douche, vous allez le chanter le oh oh oh. Bien sûr. Ça arrive sur Fun Radio, 6h30, il y aura le chiffre du jour, chiffre de ce matin, j'ai besoin de filles. Au 32-28, à votre avis, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites en moyenne 200 fois durant votre adolescence? Il est très très con le chiffre du jour, il me fait rire, vraiment. T'as dit quoi, Elliot? Non, j'ai rigolé bêtement, parce que bon, 200 fois à adolescence, il n'y a rien de sexuel. Bah non, adolescence. Avant 18 ans, pas majeur, bah, attention. Tu vas sur YouPorn. Border de vanne, les filles. Les filles, elles ont autre chose à faire, Elliot. Ouais. Est-ce que c'est pas se maquiller en cachette? Non. Moi, je sais que je faisais ça tout le temps. Bah, en cachette, c'est ridicule, tu sors de ta chambre. Soit tes parents sont aveugles, soit ils se rendent compte que tu t'es maquillée. Non, en fait, c'est ridicule, c'est-à-dire que tu sors et puis tu fais en sorte qu'on voit pas ton visage. Donc tu vois, tu longes un peu les mots et tu dis bon, bah salut maman, à tout à l'heure. Et moi, je partais au sport comme ça. Tu sais quand tu longeais les murs comme ça en baissant la tête, tes parents ils pensaient que t'étais non-voyante. tous les spécialistes que t'es allé voir, bah bravo. C'est pas bon, cool, hein. Les filles, dites-nous, voilà, en moyenne, vous le faites 200 fois durant votre adolescence. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Le fromage est l'aliment le plus détesté des Français. En 2, je vous l'ai dit, c'est la charcuterie. En 3, les desserts. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est une étude qui a été faite auprès des Français. Et je vous disais, ouais, c'est quoi le truc? Vous pouvez pas en manger, c'est pas possible. Moi, il y a un autre truc aussi, j'en ai revu il y a pas longtemps. J'en mangeais petite, je serais incapable d'en manger aujourd'hui. C'est la langue de bœuf. Oh, c'est bon. Oh, ça me dégoûte, mais rien que de l'avoir. Mais tu sais quoi, je crois qu'il y a beaucoup de trucs de bouffe, très honnêtement, et je le dis là parce que je le vois dans l'équipe. Des fois, on parle de nourriture, il y a des mots qui vous font gerber, vous en avez jamais mangé. Mais juste le mot vous fait gerber. Par exemple, des oreilles de cochon. Ah, c'est jamais bon, de la vie, je mange ça. Mais il faut arrêter. T'en as déjà goûté ou pas? Non, mais même tout ce qui est foie, bon, etc., ça me dégoûte. Mais un petit foie poêlé, là, bam bam. Surtout que les gars, moi, c'est pas parce que je suis végétarien, mais même à l'époque, je comprends qu'on puisse manger de la viande, ok, il y a les côtes, les machins. Mais qu'est-ce qu'on va chercher de la langue, les oreilles, les yeux? Mais il y a un moment, faut arrêter d'être taré, quoi. Mais non, ça se mange pas. Après, t'as des cochons qui sont comme ça, putain. Je sais pas ce qui m'est arrivé, Michel. Merci, Arnaud Bombourg. Antoine, 20 ans, il est stéphanois. Salut, Antoine. Salut, Bruno. Antoine, salut, c'est quoi le plat que tu peux pas le plat que tu peux pas bouffer, c'est quoi? Les rognons d'agneau, comme c'est dégueulasse. Ouais. Mais spécial. Globalement, tout ce qui est abat, tous ces trucs là, c'est pas très ragoûtant. Ouais, c'est vrai. Je préfère les Bee Gees. Pourtant, les rognons, si c'est bien cuisiné, c'est bon. Après, l'agneau est peut-être un peu chelou, mais des bons agneaux. C'est quand même bizarre comme goût. Hein. J'en ai déjà mangé. Et, ouais, moi, si c'est bien cuisiné, franchement, tu vois, pour être pote avec Cyril Lignac, Cyril Lignac, je suis sûr qu'il te cuisinerait de la crotte de chien, tu trouverais ça bon au bout d'un moment, vraiment. Mais d'ailleurs, il doit être malheureux avec Sophie Marceau, parce qu'elle, elle mange pas de viande, par exemple, tu vois. Je sais pas, je lui demanderai. Dernière fois où je l'ai vu, en tout cas, ils avaient l'air très bien ensemble. Oui, Elliot. Je pense que les cuisiniers, ils ont tous la même technique, il suffit de couper un petit morceau, de mettre dans une panure et de frire. Et là, tu peux tout bouffer. C'est vrai. Mettre tout en nuggets, moi, je te mange ce que tu veux, moi. Jason, il est à Chartres, ou Jason d'ailleurs, je sais pas si on le prononce à la française ou à l'anglaise. Salut la famille, ça va? Ça va, mon pote? On dit quoi, Jason ou Jason? Jason. C'est quoi l'aliment que tu peux pas bouffer, toi? Ah, moi, c'est les huîtres. Ouais, bah ça, j'aime pas. Ça. Ouais, bah ça, moi, je suis de Charente-Maritime. Je suis né à côté du bassin de Marino-Liron. Des huîtres, j'ai commencé à en bouffer. J'avais 2 ans. J'adore mais ça. Tu sais quoi, Bruno? Je tiens à te remercier d'ailleurs parce que moi, j'ai toujours eu un blocage sur les huîtres et j'ai goûté une huître la dernière fois quand on est allé chez tes parents et c'était hyper bon. Et depuis, j'ai envie d'en remanger. Ah, mais alors, c'était pas une huître, c'est que mon père avait éternué dans une coquille. Quelle horreur! Jason, je t'embrasse, mon pote Florence. Elle est à Mâcon. Salut, Flo! Bonsoir. Bonsoir. Bah, bonne nuit, maman. Je veux pas savoir ce que tu fais de ta vie, Florence. C'est non, quoi non, l'aliment je suis boulot, là. L'aliment que tu peux pas bouffer, c'est quoi, toi? Ah, la banane. Ah bon? Pour quel motif? Non, je suis déjà allergique et puis rien que de les voir, non, je peux pas. Et bah, c'est dans la bouche, hein, la banane, Florence. Oui, je sais, ouais. Parce que sinon, c'est normal que les 5 fruits et légumes aient du mal à passer. Je t'embrasse, Florence. Merci d'avoir appelé. Cela dit, dans les fruits, il y a Anto là, qui vient de tweeter avec le hashtag Bruno Fun Radio. Il dit la mangue, parce que la mangue, ça sent le vomi. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que quand elle est trop mûre, la mangue, elle est pas, ça donne pas très envie. Hein. Ouais, j'allais dire, ma copine non plus, elle peut même pas toucher une banane, ni la manger, ni l'odeur et tout. Tout ça, ça la dégoûte. La toucher aussi. Vous voulez faire une banane? Non, on se retient, Elliot. Non, on peut pas. Mais on y pense quand même. Pauvre Elliot. David Guetta, Dangerous, ça arrive après les news là sur Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Salut, c'est David Guetta. Découvrez mon nouveau single sur Fun Radio. The Weeknd et Daft Punk. Fun. Arizona et Robin Schulz. Sean Frank. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Top ! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feu Vert, vous n'avez plus que 5 jours pour profiter des 30 jours de l'expert. Exemple, Feu Vert offre moins 30% sur un autoradio Bluetooth Pioneer et jusqu'à 6 mois d'abonnement 10 heures sur une sélection d'autoradios. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. C'est déjà l'automne, c'est déjà l'hiver. Chaussures et accessoires Nero Giardi, le made in Italy. Bon, à la Banque Postale, ils ont étudié votre tendance à garder votre chère vieille voiture. À la Banque Postale, ils ont aussi étudié qu'elle vous coûte quand même plus cher que vous ne l'imaginiez, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, cette chère vieille voiture, hein. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils étudient, ils agissent. Alors jusqu'au 5 novembre 2016, profitez de leur bon taux sur le prêt personnel auto et en route pour financer votre nouvelle voiture. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Bougez pas, Bruno. J'ai 1000 euros cash à vous filer ce matin, et là si vous êtes déjà réveillé, que vous êtes déjà au boulot, il y en a plein dans ce cas-là à 6h30, ben j'ai envie que ça tombe sur vous. On va lancer le jeu SMS là dans moins de 2 minutes sur Fun Radio. Fun Radio, le son Dance Floor. Pour l'instant, le point sur l'actu de cette journée, c'est mardi, c'est le 18 octobre. Merci d'avoir choisi Fun Radio pour vous réveiller. C'est Maxime Poulaouec pour les news. Salut Max. Salut Bruno, bonjour à tous. Et on commence par la météo, du brouillard au lever du jour, puis on retrouvera des éclaircies sur l'ensemble du pays. Le ciel se couvrira à la mi-journée au nord de la Loire avec quelques gouttes. Comptez 7 à 14 degrés au réveil. Dans l'après-midi, il fera 13 à 17 degrés en général, 19 à 22 au bord de la Méditerranée. La colère des forces de l'ordre, 500 policiers ont manifesté cette nuit contre toute attente sur les Champs-Élysées à Paris, une manifestation pour dénoncer les violences policières 10 jours après l'attaque de l'Essonne. Plusieurs dizaines de voitures banalisées, gyrophares allumés ont circulé autour de l'Arc de Triomphe et sur la plus belle avenue du monde. 5000 journées non remplacées dans les écoles depuis la rentrée, alors comment faire face à l'absentéisme des profs? La ministre de l'Éducation nationale présentera ce matin plusieurs mesures, parmi elles la création d'un vivier unique de professeurs remplaçants par département dans le premier degré. Dans les collèges et lycées, le ministère proposera aux professeurs de suivre leur formation pendant les petites vacances en échange d'une rémunération. Près de 87 millions d'utilisateurs dans le monde, le service américain de vidéos en ligne Netflix a rassuré hier avec des performances meilleures que prévues au troisième trimestre, plus 3 millions d'abonnés. Il doit ce succès aux investissements importants dans des productions originales comme Narcos. La grande boucle partira d'Allemagne. Le tracé complet du prochain Tour de France sera dévoilé ce midi au Palais des Congrès de Paris. Un contre-la-montre de 13 km donnera le départ de cette 104e édition depuis Düsseldorf. Les coureurs rejoindront la France 2 jours plus tard après un passage par la Belgique et le Luxembourg. Le foot avec le début ce soir de la 3e journée de Ligue des Champions. Gros morceau pour Lyon qui recevra la Juventus de Turin au Parc OL. Monaco tentera de conserver la tête de son groupe sur la pelouse de Moscou. C'est à 20h45. Bon réveil avec toute l'équipe de Bruno. Tous les matins. C'est Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dance Floor. 6h34, c'est Fun Radio. David Guetta Dangerous, ça arrive dans la demi-heure. Il y aura Richard Orlensky, il y aura Boosty. Tiens, Tiens, on aura une idée de hashtag lancé par Marion dans moins d'un quart d'heure. Elle vient d'appeler le 3228. J'aime bien quand vous voulez faire vivre comme ça le Twitter de l'émission. Je tiens à dire que là, pour l'instant, avec le hashtag Bruno Fun Radio, nous sommes numéro 1 à Tweet France. Depuis avant 6h du matin, ça fait plaisir. Et du coup, j'ai envie de vous faire du cadeau. Cadeau. Pas facile. Cadeau ce matin, j'ai 1000 € cash à vous offrir. 1000 euros cash, vous avez une demi-heure. Il est 6h34, je vous donne jusqu'à 7h04 et pas une minute de plus. Pour envoyer Bruno par SMS au 74 900. Vous êtes en Belgique, vous pouvez jouer aussi avec nous en envoyant Bruno au 63 22. Une demi-heure de SMS, c'est réservé pour ceux qui se sont levés très tôt ce matin. Les gens en général se réveillent après 7h. Ben, c'est pour vous ce matin, je vous appellerai à 7h04, d'accord ? À 7h04, votre téléphone sonne, vous décrochez, ça tombe bien, c'est que c'est nous. Vous gagnez 1000 € cash. Le chèque se fait dans la matinée. Nous le chronopostons, les amis. Et vous l'avez chez vous demain, ça veut dire que demain, vous pouvez le déposer sur votre compte. Vous voulez gagner ces 1000 € cash ? Ben, dépêchez-vous. Voilà, on est entre nous là. Les gens de avant 7h du matin, bougez-vous. Bruno par SMS 74 900 ou au 63 22 si vous êtes en Belgique. C'est le chiffre du jour. Il est drôle le chiffre du jour, vous allez voir, 200 fois. Que font d'après vous les filles 200 fois durant leur adolescence ? Christina disait se maquiller en cachette. Non, ça n'est pas se maquiller en cachette. Est-ce que ce serait pas dire aux mecs adolescents, gamin, ça, je ne supportais pas que des filles de 14 ans me traitent moi de gamin alors que j'avais 14 ans. On a le même âge, fais pas genre t'es plus mature. Ouais. Mais on est tellement plus mature non, que vous, justement. Vous croyez que. Mais il n'empêche que dès qu'on vous dit un truc, vous faites tout le temps, sans raison. Non, donc arrêtez. C'est vrai que quand t'es petit, moi je me souviens, voilà, quand j'avais 12, 13 ans, j'avais ma meilleure amie qui était ma voisine qui s'appelait Lydie. Je me souviens comme si c'était hier, les amis. Et on avait la même taille, et puis arrivé à 11, 12 ans, elle est devenue beaucoup plus grande que moi d'un coup. Mais bien sûr, elles ont des seins avant nous, et nous, on est encore des gogoles avec notre appareil dentaire, là. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, j'étais plus petit, mais on avait le même âge. C'était ma copine sûre, quoi, tu vois. Ouais. Et puis, du coup, en étant plus petit qu'elle, elle a commencé à me tourner le dos. Oh, elle t'a snobé, quoi. Je te jure, elle avait une tête de plus que moi, elle m'a snobé. C'était ta BFF. C'était ma BFF, quoi. Et après, elle est revenue vers moi quand j'ai commencé. Déjà, j'ai eu un premier stress, c'est que je me suis dit, putain, je suis un nain. Parce que t'as grandi tard, genre. Mais non, j'ai pas grandi tard, mais comme elle a grandi beaucoup plus vite que moi, je me disais, putain, mais je grandirai pas, moi, il y a un délire, tu vois, je te jure. Ouais. Mais là, et je me livre à vous, mais je te jure que j'étais mal. Oh, je me suis dit, putain, je grandirai pas, quoi. C'est pour ça qu'on l'a surnommée Blanche-Neige et les un nains. C'était Bruno le un nain. Julie, 27 ans, elle est lyonnaise. Bonjour, Julie. Bonjour la famille. Salut. 200 fois, quand tu étais adolescente, en moyenne, tu as fait un truc. T'as 27 ans aujourd'hui, souviens-toi, ça remonte à il y a une quinzaine d'années en arrière. C'était il n'y a pas bien longtemps, mais moi j'ai le souvenir que je me perçais souvent les boutons. Oh, c'est mignon comme tout, merci d'avoir appelé, si, chouchou. Si tu nous as écouté la semaine dernière, on a dit que c'était pas bon de faire ça, que c'était très risqué pour la santé. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire, quand on est petit, c'est un exercice. C'est pas les boutons, Julie. Ah, parler de points noirs et de points blancs. C'est mon bruit de bouton, ça. J'ai des bruits pour tous les trucs. Bruit de bouton. Je trouve que ça représente bien le dos. Clara, 19 ans, à Clermont-Ferrand. Salut Clara. Salut la famille. Coucou. Salut. Ma chérie, c'est quoi d'après toi ? Pour moi, ce serait cacher des mauvaises notes à ses parents. 200 fois, c'est beaucoup quand même. Hein. Bah, le temps du collège, le temps du lycée. Dis donc, j'ai l'impression qu'on est tombé sur la bonne élève du jour, ma Clara, avec toi. Clara, c'est pas les mauvaises notes. Je te fais des bisous, ma belle. 200 fois en moyenne, c'est le Daily Mail qui a balancé ce chiffre. Très sérieuse comme source. 200 fois, les filles claquent en moyenne la porte de leur chambre. Ah, c'est génial. Mais c'est tellement moi, je l'ai tellement fait. Mais moi, j'avais un rituel, je crois que je vous en avais parlé, mais j'étais insupportable quand j'y repense. Moi, quand j'étais pas contente, donc j'allais dans le couloir, ma chambre était tout au fond du couloir. Ouais. Je prenais mon premier chausson, je le balançais contre ma porte. Mon deuxième chausson, je le balançais contre la porte. Et ensuite, je claquais la porte. Voilà. Ouais. Ça rendait fou mes parents. Pascal le grand frère, là, attention. Moi, j'aurais adoré claquer ma porte, mais j'avais un porte-manteau derrière. J'avais tellement de manteaux que du coup, bah, ça marchait. Elle était trop pas. Lourde. Elle était trop lourde. Moi, j'avais un souffle. C'est-à-dire que quand je la claquais, elle ralentissait au dernier moment, il y a l'air qui passait. J'ai jamais du coup, je pouvais pas la claquer non plus. Ouais, pareil. Donc, j'étais obligé de la pousser. C'est comme ça. Plac. Grave. Mais je pouvais pas la claquer non plus. Merci pour ces anecdotes de vie, vraiment. C'est quoi, je me demande comment j'ai fait pour vivre jusqu'à maintenant sans ce genre d'anecdote. Et combien de fois on a eu peur de se faire engueuler au dernier moment à dîner, c'est pas moi, c'est un con d'air. Les amis, David Guetta, tout de suite. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio, le son Dance Floor. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. Partages sur Facebook, c'était le comptage hier soir de la vidéo là qui fait le buzz sur le net. Je suis tombé dessus ce week-end, je vous en ai pas parlé hier parce que j'ai pas eu le temps, mais vous avez vu cette vidéo, ça se passe à l'aéroport d'Amsterdam, d'une nana qui, vous savez, il y a des tapis roulants qui te permettent d'avancer un peu plus vite, ouais. Et la nana le prend en fait dans le mauvais sens, mais ne s'en rend pas compte. Mais non. Et donc elle est en galère parce qu'elle marche pendant une plombe et forcément elle n'avance pas puisqu'elle prend le truc à l'envers. Excellent. Donc, et comme des fois elle s'arrête en se disant qu'est-ce qui se passe, elle recule de 10 mètres et hop, elle repart. Ça dure 1000 ans avant qu'elle se rende compte quand même à un moment qu'elle est en train de faire une connerie. Et du coup, elle sort et elle prend le tapis roulant dans le bon sens. Plus de 27 millions de vues. Je vous la mets sur la page facebook.com/Bruno dans la radio si vous êtes passé à côté de ce truc-là. C'est facebook.com/Bruno dans la radio. Richard Orlinski qui arrive et puis on aura Marion à Mulhouse. Salut Marion. Ah, une bonne liaison téléphonique en tout cas. Bah, ça va laisser 4 minutes à Loosman pour rétablir tout ça. Et Marion va nous parler de ce hashtag là qu'elle veut lancer à l'antenne dans moins de 3 minutes sur Fun Radio. A tout de suite. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Mets les trumpets bleus. Soyez le plus rapide. Appelez Fun Radio 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs. C'est le double fun sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie ? 32,28, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. C'est en exclu, c'est chez U, les ventes privées live. Chaque jour des nouveautés, chaque jour des offres immanquables. Et ça continue encore cette semaine. Oh bah moi, chaque jour, j'écoute votre annonce à la radio. Hein. Ah bah c'est vrai que c'est un privilège d'annoncer des offres pareilles. Et tous ceux qui aiment les bonnes affaires sont comme vous, ils m'écoutent tous. Oh, j'adore ça, moi j'adore ça. Jusqu'au 29 octobre, U vous invite à ses ventes privées live. Profitez-en avec le prospectus. Conditions et magasins U participants sur magasinu.com. U, les nouveaux commerçants. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, Fun. Sur iPhone. Fun Radio. Fun. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah, oh yeah. Radio. 6h48, c'est Fun Radio. Vous arrivez maintenant, vous ouvrez les yeux. Vous pouvez repartir avec un chèque de 1000 euros ce matin. Et on le donne au Lefto, là, aujourd'hui. On a lancé le signal SMS à 6h34. Ça veut dire qu'à 7h04, on va faire un tirage au sort. Ça veut dire que si vous arrivez là juste maintenant et que vous ouvrez les yeux, vous avez autant de chances de gagner que celui qui a envoyé un SMS il y a un quart d'heure. Vous envoyez Bruno par SMS au 74-900. Vous êtes belge. Vous l'envoyez au 63-22. Tirage au sort, là, tout à l'heure. 7h04. On vous appelle en direct, vous répondez, vous gagnez les 1000 euros, ça part en chronopost, vous avez les 1000 euros chez vous demain. Richard Orlinski, Heartbeat, ça va arriver. Puis à 7h du matin, petit vacher time des copains. Qu'est-ce qu'on a dans le vacher time aujourd'hui, mon vacher? Petit blind test. Ah, ça fait longtemps. Et j'appelle les gens pour leur poser des questions sur la musique. Les questions sont débiles et en général, les gens s'en rendent pas vraiment compte. Ouais, petit extrait. Pour commencer, on va écouter le dernier frérot de la Vega. Vous vous souvenez qui ils sont dans le duo? Comment ils s'appellent? Vaguement. C'est de la logique, hein. Le premier, il s'appelle comment? Frérot, c'est ça. Et le deuxième? De la Vega. Exactement, c'est le duo. Il s'appelle pas Frérot et de la Vega, si. Bah si. Bah non. C'est non. Quoi mais le truc? Mais pas du tout. Que ton prénom, c'est... toi tu croyais vraiment. Bah non. Oh, putain, j'aurais dû appeler Bruno pour le piéger en fait. Mais non, mais toi, tu croyais que le prénom du premier c'était Frérot et que le deuxième il s'appelait de la Vega. Mais je croyais que son nom de famille c'était Frérot et l'autre de la Vega. C'est vrai en plus, il s'appelle Jérémy Frérot et Florian de la Vega. Bah oui, c'est ça le truc. Ah ouais? Mais oui. En vrai? Mais oui. Ah bah y'a pas de vanne alors. Ah ouais, c'est vrai. Bah mec, c'est extraordinaire. Le gars fait un vacher time, c'est ça la vraie réponse. Mais moi, je savais pas. Ah bah, mais vois, les gars, mais juste un moment, avant de faire vos trucs et de les préparer, faut ouvrir Internet. Mais non, mais du coup, c'est cool parce que c'est à dire que j'ai fait un sondage. Mais non, mais mec, attends, réécoutez l'extrait parce qu'en ayant l'info, il y a pas de vanne en fait. Regarde, écoute. Pour commencer, on va écouter le dernier frérot de la Vega. Vous vous souvenez qui ils sont dans le duo? Comment ils s'appellent? Vaguement. C'est de la logique, hein. Le premier, il s'appelle comment? Frérot, c'est ça. Et le deuxième? De la Vega. Ah, c'est drôle! Bah non, en fait, bah puisque si, c'est la vraie réponse. Ouais, Jérémy Frérot et Florian de la Vega, je ne vérifie. Bah écoute, elle était calée. Après, heureusement, je lui fais écouter un extrait derrière qui a rien à voir et voilà, c'est quand même drôle. Mais extraordinaire! Effectivement, je me suis peut-être un peu planté. Après, est-ce qu'on va en parler pendant 1000 ans? Je crois qu'en 4 ans, bah, chez Time, c'est ma première erreur. Non, j'aimerais qu'on passe à la suite! Ce qui est grand, c'est que le mec, vous avez vu la condescendance du gars qui est en train de me regarder. Ouais. Tu connais rien la musique. Mais, renseigne-toi un moment. Mais ça va, on peut pas se renseigner sur tout. Tu sais, on est tous des êtres humains avec nos faiblesses. Et je pense que ça, les gens, ils compatissent. Même Marion, au standard, elle est en train de se foutre de ta gueule. Même ses enfants derrière sont en train de se moquer de toi. Bon, rebonjour Marion. Oui, salut Bruno. Bonjour Marion. Salut. Marion, alors t'as eu une idée de hashtag. J'aime bien, moi, quand ce sont les auditeurs de Fun Radio qui lancent les hashtags. Souvent, ça finit en top tweet France et on vous offre des cadeaux. On l'a fait la semaine dernière, là. C'était quand vendredi. Tu sais que c'était en hiver quand? Avec tes numéro 1 top tweet France, on a offert un cadeau à l'auditrice. Mm-hmm. Tu voulais proposer quoi, toi, comme hashtag ce matin, Marion? Bon, en fait, pour la petite histoire, je rentrais chez moi, genre il était 23h, et minuit, c'est la lune, excusez-moi. Oui, donc je rentrais chez moi, il était 23h, et puis c'était la loose, parce qu'en fait, j'étais en train de me faire à manger, quoi, et je me suis dit, vas-y, mais je suis célibataire et tout, mais trop une idée d'hashtag, et je me suis dit, ouais, mais en fait, là, je suis vraiment célibataire. Donc je voulais lancer, tu sais que t'es célibataire. Quand? Mais attends, tu me dis que t'es célibataire, j'entends un enfant derrière toi. Ah, mais t'es nourrice peut-être? Non, je suis célibataire. Ouais, bah, tu peux être mère célibataire. Ouais, voilà. Exact. Mais elle vient de me dire qu'elle est rentrée chez elle à 23h minuit, à minuit, qui s'est occupée de l'enfant. On fait la garde partagée avec le papa et ça se passe très bien. Et la semaine, en fait, où je suis à la maison et. Enfin, je suis à la maison où j'ai pas ma fille, je rentre parfois à 23h. Alors, ça, je travaille, soit je pars en soirée. Mais je dois quand même me faire à manger. Mais explique-moi. D'accord, mais explique-moi comment hier soir à minuit, t'avais pas ta fille et là, à 6h52, tu l'as récupérée. Il te la ramène dans la nuit, ton ex? Non, je la récupère tôt ce matin. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah bah, ça va, monsieur le détective? Il a fini son interrogatoire? Mais oui, écoute, j'ai lâché un peu. Tu vas lui demander aussi si elle aime bien les frérots de la Vega ou comment ça se passe? Bon, eh bien, tu sais quoi? Je lance ce hashtag sous ta houlette, Marion, et je utilise le mot sous ta houlette, ça fait longtemps. Tu sais que tu es célibataire quand? Voilà. Bah, quand tu sais, à manger à 23h, ouais. Et que t'as pas le choix, quoi. Ouais, tu sais que t'es célibataire quand t'ouvres ton frigo, il y a qu'une bière dedans. Ouais, tu sais que t'es célibataire quand t'as plus besoin d'effacer ton historique. Hein. Bien sûr, oui, c'est vrai. Voilà, c'est pas mal. Ouais, tu sais que t'es célibataire quand dans ton évier t'as 2 semaines de vaisselle. Ah ouais, grave. Ça marche. Tu sais que t'es célibataire quand dans ton frigo il y a que des bières. Mais c'est vrai. Décidément, toi, c'est pas ton émission ce matin, vacher. Et je vous ai parlé des frérots de la Vega. Non. Mec, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'étais sur Twitter en train de lire les gens qui disent, ouais, vacher, faut que tu partes en congé paternité, tu dis n'importe quoi. Mais mec, ça va, je vais très bien. Il y a un souci quand même. Ouais, mais j'ai peut-être mon. Et vous savez quoi? C'est peut-être que je suis papa maintenant et que je suis plus tout jeune. Il faut que je pense à la suite. Il faut que j'aille me reposer. Je vais partir dans le Cotentin. En maison de repos. Voilà. Tu sais que c'est angoissant, je te jure. Oui, je le dis. Je vais acheter un petit caniche. Je sais pas. Richard Orlinski, Ava Simons. Hi, this is Ava Simons with Bruno on Fun Radio. Where is all this going? I don't wanna hold back. I don't wanna let you in. Rushing on a feeling. Chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Mardi, c'est le 18 octobre, dans 4 minutes, 7h du matin. Bienvenue sur Fun Radio. Journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Pour Halloween, Franck Ribéry se déguise en lui-même. Célébration aujourd'hui, c'est la Saint-Luc. Et si vous vous appelez Luc, vous pouvez vous réjouir que les lettres de votre prénom soient placées dans cet ordre-là. Fait divers, le futur centre d'accueil pour SDF du 16e arrondissement de Paris, quartier très chic de la capitale, a été incendié volontairement. La police recherche activement une femme d'âge mûr avec un serre-tête en velours et un bidon d'essence Vuitton et un homme accompagné d'un caniche abricot et d'un cocktail Molotov Fauchon. L'épidémie de gastro a 3 mois d'avance en France. Anthony Bosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je peux vous dire que les effets de la gastro, ce sera pas pour moi. J'ai fait le nécessaire. Ah, vous vous êtes fait vacciner ? Non. Bouchon en Liège. Ah, merci pour ces conseils, Anthony. Et pour finir, Scoop, il se balade à cheval avec un sabre laser. Découvrez Lucky Luke Skywalker. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Il vous reste 6 minutes. Si vous êtes en train d'ouvrir les yeux pour envoyer Bruno par SMS au 74 900, on a décidé ce matin de filer 1000 euros cash aux gens qui se réveillent tôt, là, ceux qui se réveillent avec la radio, qui partent bosser avec Fun Radio avant 7h du matin. 1000 euros cash, vous envoyez Bruno, B-R-U-N-O, par SMS 74 900, que vous soyez en France ou en Belgique, ça marche. En Belgique, c'est au 63 22. Il vous reste 5 minutes. Si vous envoyez votre SMS maintenant, vous avez autant de chances de gagner que ceux qui l'ont envoyé à 6h35, puisque c'est un ordinateur qui va tirer un numéro au sort. Et si ça sonne chez vous, là, dans 7 minutes maintenant, vous décrochez, vous gagnez les 1000 euros et on vous envoie l'argent. Aujourd'hui en chronoposte, c'est demain sur votre compte. Kendrick Lamar avec Sia de Greedust, ça arrive dans la demi-heure. The Parakeet avec Save Me. Et puis ce matin, une fois de plus, l'événement se fera sur Fun Radio. Hier matin, nous avions en live Soprano. Eh bien, ce matin, c'est Brice, Jean Dujardin, Bruno Salomon, Big Flo, Oli, nos invités ce matin sur Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Plus que quelques jours pour en profiter. Les tablettes lave-vaisselle les moins chères de France sont chez Intermarché. Les 60 tablettes Sun tout en un sont à 9,59€ avec 70% crédité sur votre carte de fidélité. Oui, 70%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. Jusqu'au 23 octobre. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Top ! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feu Vert, vous n'avez plus que 5 jours pour profiter des 30 jours de l'expert. Exemple, Feu Vert offre moins 30% sur un autoradio Bluetooth Pioneer et jusqu'à 6 mois d'abonnement 10 heures sur une sélection d'autoradios. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. Bougez pas, Bruno. On a lancé avec Marion ce matin le hashtag « Tu sais que tu es célibataire » quand il y a plein de messages là qui arrivent sur Twitter. On va essayer d'en faire un top tweet ce matin. Et puis on va prendre vos messages à l'antenne. Vous pouvez les balancer aussi au 3228. On vous attend au standard. On va revenir avec le Vacher Time là après les news. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Les infos de ce mardi matin, c'est le 18 octobre, c'est Maxime Poulaouec, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo, un ciel partagé entre nuages et éclaircies après dissipation du brouillard. Au nord de la Loire, le temps restera chargé avec un peu de pluie, il fait 7 à 14 degrés ce matin. Dans l'après-midi, prévoyez 13 à Alençon et Amiens, 14 à Paris et Quimper, 16 à Rochefort, 17 degrés pour Lyon, Limoges et Bordeaux, 22 le maximum à Perpignan. 500 policiers en colère sur les Champs-Élysées. Plusieurs dizaines de voitures de police ont défilé cette nuit sur la plus belle avenue du monde. Les fonctionnaires ont tenu à dénoncer les violences qu'ils subissent au quotidien, 10 jours après l'attaque au cocktail Molotov dans l'Essonne. Comment remplacer les profs absents? C'est toute la question que se pose l'éducation nationale. La ministre Najat Vallaud-Belkacem dévoilera ce matin une série de mesures. Depuis le début de l'année, 5000 journées ont été manquées par les profs selon les associations de parents d'élèves. Une nuit de galère pour les usagers de la SNCF. 12 000 voyageurs ont subi près de 5 heures de retard cette nuit sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. En cause d'un accident de personne, sûrement un suicide près d'Auxerre en Bourgogne. La majorité des trains ont été détournés sur des lignes classiques utilisées par les TER. Des bénévoles et des taxis ont été dépêchés en gare de Lyon à Paris pour prendre en charge les voyageurs arrivés à destination. Le foot, l'américain Frank McCourt est le nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille. La vente a été signée hier. Elle met fin aux 20 ans de règne de la famille Louis Dreyfus. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Jacques-Henri Hérault, patron du groupe Paris Turf, devient le nouveau propriétaire du club, président du club. 200 millions d'euros seront investis sur les 4 prochaines années avec un objectif: dominer le PSG le plus vite possible. Et puis sur les terrains, c'est la 3e journée de Champions League. Ce soir, 2 clubs français sur les pelouses. Monaco ira à Moscou pour conserver la tête de son groupe. Lyon recevra la Juventus de Turin. C'est à 20h45. Bon réveil sur Fun Radio. Radio. Mardi, c'est le 18 octobre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 7h03, bonjour! Bonjour! Bienvenue sur la première radio Dance Floor de France, le son de Cigale avec Kendrick Lamar pour attaquer 7h. Et le Parakeet, 7h10, je vais payer de la facture. 7h04, 32-28, on fait de la radio ensemble. Vous pouvez la réagir à ce sujet qu'on a lancé tout à l'heure avec Marion qui a lancé un hashtag. Le hashtag c'est « Tu sais que tu es célibataire quand ?» et c'est à vous de compléter. Et on va rappeler Marion qui va gagner un pack Fun Radio, les amis, puisque nous sommes passés numéro 1, top tweet France. En l'espace d'à peine 10 minutes, c'est le sujet dont on parle le plus sur Twitter. Vous êtes des bombes, les familles. « Tu sais que tu es célibataire quand ?» et en deuxième, top tweet France, c'est le hashtag Bruno Fun Radio. Parfait. Impression qu'on a un peu tué le game de la twittosphère, les amis. Christina est là ce matin. Bonjour. Yavaché. Et bonjour. Qui se réveille, qui essaye, vous allez comprendre pourquoi. Dans 3 minutes, là, avec le Vacher Time. Il y a Elliot. Bonjour, Bruno. Et il y a vous, si vous avez eu la bonne idée d'envoyer Bruno par SMS. Il est 7h04, tirage au sort tout de suite. Nous choisissons un numéro qui a envoyé Bruno par SMS. Soit au 74 900, s'il est français. soit au 6322 s'il est en Belgique. J'appelle maintenant au hasard quelqu'un et s'il répond, c'est 1000 euros dans la popoche qui partent par Chronopost ce matin et donc à déposer sur le compte dès demain. On est sur de la team, ça décroche. Si ça décroche pas, j'appelle un autre numéro. On est sur de la team, ça décroche. Si ça décroche pas, allô. Quelle belle voix dans cette radio. Wow. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Julien. Julien? Oui. Julien. Julien, t'es en direct sur Fun Radio, tu gagnes 1000 euros. Super. Bravo. Merci la famille. Eh ben de rien. Alors Julien, dis-moi, je te charrie mon pote. T'habites où? Tu fais quoi dans la vie? J'habite Vietnam. T'habites au Vietnam, très bien. Je suis magasinier. Très bien. Où ça au Vietnam plutôt? Ho Chi Minh? Non, à Vielsalm. Ah, à Vielsalm, très bien. En Belgique. Et t'as quel âge? S'il vous plaît. Je dis, tu as quel âge? 27. 27 ans. Ah, nos amis belges qui sont. Ça bonjour fait plaisir. La Belgique. Bonjour la Belgique. Eh ben, bonjour à vous. Eh ben, de rien. Mon pote, on va t'envoyer tout de suite un chèque de 1000 euros, d'accord? Super, génial. Chronopost, tu l'as chez toi demain, d'accord, mon Julien? C'est bien gentil. Eh ben, écoute, ça me fait plaisir. On t'embrasse, mon poteau. Ouais, merci, vous aussi, bonne journée. Tu raccroches pas, on te repasse le standard. Oh, ça fait plaisir que ça parte en Belgique. Salut la Belgique qui nous a découvert depuis le mois de septembre. Il y a des gens qui ont commencé à zapper au début en disant « Ouais, on a nos habitudes avec Evan et la tribu. » Evan qu'on adore, hein, qu'on embrasse. Ah oui, oui. Et puis qui reviennent petit à petit parce qu'ailleurs, ils n'ont pas trouvé ce qui leur plaisait, qui nous disent « Bah, en fait, vous êtes pas mal. » Et bah, bienvenue dans la famille, les amis belges. Bruno. Et le chant des sirènes. Bah, et si vous avez raté, si vous n'étiez pas réveillé il y a un quart d'heure, on a teasé sur le Vacher Time. On le mettra dans le top 3 d'Eliott, je pense, à 9h du matin. Avec plaisir. C'est-à-dire que Vacher a voulu me prendre pour un con et est passé pour un con tout seul. Vous allez le comprendre en écoutant le Vacher Time de ce matin. Ouais, en fait, il y a un moment où effectivement on parle des frérots de la Vega et la nana, je leur demande comment elle s'appelle. Elle me dit, bah, le premier c'est frérot, le deuxième c'est de la Vega. Voilà. Et toi, t'étais persuadé. Moi, je me suis dit, bah, ça va être un bon moment dans le Vacher Time tellement c'est con ce qu'elle me dit. Mais en fait, non, c'était vraiment leur nom. C'est ça. Mais c'est pas ma faute, moi je pouvais pas savoir. C'est comme si y a un gars qui venait qui disait, tu sais, la compagnie créole. En fait, il s'appelle comme ça parce qu'il y en a un, c'est Jean-Michel Compagnie, et l'autre, c'est Didier Créole. Il s'appelait la compagnie créole. Ah bon. Mais ouais, je pensais que c'était un pseudo, moi. Mais bon, ça n'empêche pas que je lui fais quand même écouter à la nana des extraits débiles, bon. Et qu'elle s'en rend pas compte, quoi. Allez, blind test. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Vacher, je fais des blind tests par téléphone et je voulais savoir si vous vouliez participer. Allez-y, je vous accorde 30 secondes, pas plus. Alors, pour commencer, on va écouter le dernier frérot de la Vega. Vous vous souvenez qui ils sont dans le duo? Comment ils s'appellent? Vaguement. C'est de la logique, hein. Le premier, il s'appelle comment? Frérot, c'est ça. Et le deuxième? De la Vega. De la Vega? Ben, on écoute leur dernier extrait et dès que vous reconnaissez l'un ou l'autre, vous me dites son nom. Allons-y. Frérot. C'est bien Frérot qui chante. De la Vega. Et de la Vega qui lui a évidemment une voix plus grave. Vous les connaissez bien, j'ai l'impression. Mais oui, pas mal. Allez, on passe à la musique classique. Quel grand compositeur a composé ce son en 1721? Beethoven? Ah non, c'est pas Beethoven, non. Mozart? C'est pas Mozart non plus, n'importe quoi. Jean-Sébastien Bach, non mais n'importe quoi. Ah oui, alors là, je suis nul. Hein. C'était Vivaldi, madame. Dites-moi que vous le saviez quand même, que vous avez un minimum de culture. Oui, mais j'avais oublié. Oh, c'est pas grave, on va se refaire sur la prochaine. Qui chante cet extrait? Ah, vous m'en tapine dans le cul, et qu'on en finisse. Ah, vous m'en tapine dans le cul, et qu'on en parle plus. C'est les Black Eyed Peas ou les Daft Punk? Je sens tes testicules. Les Black Eyed Peas. Elle est impressionnante, hein, Fergie, sur son dernier couplet, là, quand elle parle des testicules. Et... Ah, j'adore sa voix. Ah, la petite Fergie. Bon, et puis on reparlera pas des frérots de la Vega. Ah, c'est quoi, tu t'en tires bien. C'est une petite, erreur qui arrive à tout le monde. Dans 3 minutes sur Fun Radio, je paye de la facture et vous attaquez la matinée là avec Sia et Kendrick Lamar. I got stamina. I am the wisdom of the fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I fell twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the strongest survive, another scar may bless you. I don't give up, nah, nah. I won't give up, nah, nah. Don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up. Vous arrivez sur Fun Radio, bon réveil la famille, 7h12 ce matin. Jean Dujardin sera avec nous, avec Bruno Salomon. Et on aura la petite cerise sur le gâteau. Ils vont venir aussi. Big Flo, Oli. J'adore Big Flo, Oli. Ils seront là pour faire le générique de Brise the Nice. Brise 3. On a vu le film en avant-première il y a quoi, il y a 10 jours. Ils se sont fait un kiff. Vraiment. Ils se sont fait un vrai kiff. Ouais. Ils ont mis toutes les vannes où tu dis ouais ça on peut pas le faire quoi. Mais c'est on peut pas le faire, genre pas en mode la vanne est pas drôle, en mode c'est un peu barasse quoi. Il y a pas de filtre. Ils sont faits sans filtre, un film sans filtre, ça fait du bien de temps en temps. Ils seront avec nous là, toute la troupe, aux alentours de 8h15 en direct sur Fun Radio ce matin. Ah, alerte people de Christina, puisque la planète people tourne, tourne, tourne encore, mais Christina, d'un doigt sur la map monde, l'arrête et nous parle de l'actu people à travers le monde entier. Il y a quoi là ce matin? Bah en fait, c'est une vidéo que je vous balance sur la page Facebook de l'émission, sur la page Bruno dans la radio. C'est une vidéo de Beyoncé qui s'est blessée sur scène. C'est arrivé à Brooklyn en plein concert. Oh mon Dieu ! En fait, il y a sa queue de cheval qui était très longue, qui s'est accrochée à sa boucle d'oreille. Wow. Ça a arraché la boucle d'oreille. Elle s'est retrouvée l'oreille en sang. Mais elle a fait comme si de rien n'était. Elle a continué à chanter. Allez voir la vidéo. Ça me fait un point commun avec Beyoncé. Moi aussi, j'ai une queue de cheval. T'as compris ou pas ? J'ai compris quoi ? T'as compris ou pas? Allez, resserre-moi un peu des cacahuètes et puis je te prends un pic comme hier. Allez, deux. Culé quoi. Ah, t'as un peu rigolé, oh, c'est mardi ça. Avant d'aller au boulot quoi. Oh putain, j'ai pété quoi en rigolant. Je te jure, j'ai pété en rigolant quoi. Ça va quoi, on est mardi. Est-ce que vous croyez vraiment que cet amour, cet humour un peu plouc, un peu vulgaire fait rire? Ouais. C'est pas plouc. Est-ce que tu crois que les gens qui nous écoutent à l'étranger, moi. Moi j'ai une pensée pour Teddy. Voilà, si vous écoutez Fun Radio depuis pas très longtemps, peut-être que vous connaissez pas Teddy. Teddy c'est un fermier dans le Wisconsin, il nous écoute depuis son tracteur dans sa moissonneuse batteuse H24, puisqu'il la passe même la nuit, on en a rien à foutre. Teddy, je sais pas s'il comprend ce genre de vanne. Je sais pas ce qu'il se dit en ce moment. You know man, it's not funny anymore. I don't like it. Moi je trouve pas ça drôle. C'est un truc limite ça me vexe. I don't like it. I don't love it. J'aime pas ça, je rigole pas. Je suis dans mon tracteur et c'est vraiment le moment où je me dis ouais, c'est bon. When my sister said to me, "Eat my pussy," I was so happy. Où j'en parle à ma sœur qui me dit, je suis assez d'accord avec toi, mais reste, tu vas voir, ils seront drôles dans deux minutes. I did it, yeah. Et c'est ce que je fais. J'attends. Voilà, allez, save me. Oh mon Dieu. Ça arrive dans quelques secondes sur Fun Radio de Parakeet. Et pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô, paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h15, 8h15 en direct sur Fun Radio. Je suis le seul animateur radio de France à payer vos factures. Alors tentez votre chance, vous aussi, vous envoyez vos factures à facture@funradio.fr ou par courrier Fun Radio 20 rue Bayard 75 008 Paris. Et si on vous appelle en direct le matin, la facture c'est payé, c'est cadeau, c'est pour qui ? Et c'est pour nous. On part à Livry-Gargan, on part dans le 9-3. Seine-Saint-Denis. On part chez Floriane. Allô ? Bonjour Floriane. Bonjour. Floriane, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio. Oh ! Ah, je suis trop contente. C'est samedi ! Bien sûr. Ouais. à l'ancienne. 9 au carré, frère. Ouais, merci. 9 cubes, surtout, parce que 9 au carré, c'est le 92. Ah sinon, il n'y a pas de souci, Elliot. Moi, je viens du 9-2, c'est pour ça. C'est ridicule. Je vais faire un combat. Ouais. Floriane, ma chérie, tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Alors, j'ai 25 ans et je suis étudiante en comptabilité en alternance. Très bien. J'ai une facture de 250 euros. Qu'est-ce que c'est-il? Oui. Alors, elle correspond au cadeau de Noël de ma maman. Ce sont deux billets de train pour réaliser son rêve qui est de partir faire les soldes à Londres en janvier. Enfin, wow. Ah, génial! Ah, magique! Yeah. Elle y est déjà allée ou pas? Il y a plus de 15 ans, ouais. Bon, qu'elle prévoit. Du coup, je l'offre tout le week-end. Ouais. Bah, si tu l'offres tout le week-end, il va falloir un peu allonger parce que c'est Londres, cher. C'est magnifique, mais putain, ça coûte la peau du cul. Franchement, exactement. Nous, on a eu la chance d'y aller il y a un an et demi. Bruno nous avait emmené tous à Londres là-bas. On avait fait la fête tout un week-end, toute l'équipe. Ouais. Honnêtement, c'était en pleine période de solde. Bah, j'ai ramené un pull. Ouais. Que c'était hyper cher. Ouais, en même temps, sur 72 heures à Londres, t'as été quand même bourré 58 heures. Donc... C'est pas C'est sur les 50 euros réservés au solde, il y en a eu 48 dans la bière. Hein, et dépensé dès le premier soir. Ouais, ouais. Floriane, ma belle, eh ben, tu sais quoi, je te paye le petit week-end à Londres pour maman, d'accord? Oh bah merci beaucoup, c'est super gentil. Et continuez comme ça tous les matins, c'est génial. Eh ben promis, juré, on te fait des bisous, Floriane. Merci, à vous bisous. Aussi. Bisous. Ciao, ciao. Dans quelques instants, nous avons lancé le hashtag « Tu sais que tu es célibataire » qui est déjà en top tweet. Vous avez des idées là pour compléter cette phrase, vous le faites également par téléphone 3228. De Parakeet, Soprano, qui était notre invité hier. Tiens, on vous repassera le clash qui a eu hier en direct. Soprano. Avec Nicole Pervers, il y a eu un clash en live hier. Si vous l'avez raté, on vous le remettra là dans moins d'un quart d'heure. C'est Fun Radio, à tout de suite. Fun Radio, DJ Awards. En direct de l'Amsterdam Dance Event. Let's go! De mercredi à samedi, 16h, JB et Adrien Thomas seront en direct du studio Fun Radio d'Amsterdam. Pendant 4 heures, les plus grands DJ viendront mixer pour vous, vous parler et recevront leur trophée. Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo. Hello, hello, it's Martin Garrix. Quel DJ Fun Radio repartira avec le plus de trophées? Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Blablacar, blablacar. Bonjour, vous êtes Lisa qui va à Lille? Oui, et vous c'est Carole. Exactement. Ravie de faire votre connaissance. Bon bah moi aussi j'espère que ça va s'arranger avec votre fille. Ah non mais je vais écouter vos conseils, hein, je suis sûre que ça va aller. Bon allez, courage Carole. Oui, au revoir. Au revoir. Un trajet plus court quand il est partagé. Avec Blablacar, covoituré pour la Toussaint. Proposez vos places libres, c'est plus d'économies et beaucoup moins d'ennuis. Et avec AXA, voyagez encore mieux protégé. Vous avez l'assurance d'arriver à destination. Voir conditions sur blablacar.fr. Jack Reacher, vous êtes qui, nom de Dieu? Never go back. Celui que vous n'attendiez pas. Tom Cruise, sans concession. Il est temps qu'on se mette en chasse. Sans remords. Faudra pas m'en vouloir. Sans retour. J'aime pas qu'on me suive. Jack Reacher, never go back. Tom Cruise. Vous êtes une légende. On raconte quoi d'autre? Demain au cinéma. Je suis pas la loi. Carrefour. Maman, t'as pris du gel douche? Et plutôt deux fois qu'une. En ce moment, Carrefour fait place à la beauté. Il y a des promos sur des centaines de produits de marque. Par exemple, on a 40% de remise immédiate sur le lot de 4 gels douche Ushuaïa. Cool! Des promos comme ça, je prends. Jusqu'au 24 octobre, Carrefour fait place à la beauté avec des promotions sur des centaines de produits de marque. Par exemple, profitez de 40% de remise immédiate sur le lot de 4 gels douche Ushuaïa dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. 4 x 250 ml. Produits concernés dans votre catalogue disponible sur carrefour.fr. Carrefour. Eh, à la Banque Postale, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. tous les matins. C'est Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dance Floor. 7h21, merci d'avoir choisi Fun Radio pour me réveiller. Merci de le faire de plus en plus nombreux chaque matin, d'en parler autour de vous. Vous êtes notre meilleure pub, les amis. On est là tous les matins avec grand plaisir, avec la team Bruno dans la radio et avec Nolwenn que l'on aura au téléphone tout à l'heure. Nolwenn, elle m'a écrit à bruno@funradio.fr. Nolwenn, c'est pour la chanson du jour qu'elle veut participer et elle veut qu'on appelle Sonia ce matin. Sonia, c'est la meuf de son père, c'est ça, Elliot ? Exactement, c'est sa nouvelle belle-mère et elles sont un petit peu fâchées parce que Sonia l'a fait croire qu'elle était malade. Nolwenn, pardon, qui a 14 ans, l'a fait croire qu'elle était malade et Sonia l'a pas cru. Et donc, du coup, depuis, elle est vexée et elle se parle plus les deux. Et, voilà. Mais elle était malade pour de faux ? Elle était malade pour de vrai, mais le problème c'est que Sonia, la belle-mère, la croit pas. D'accord, parce que merde. Ça lui arrivait plein de fois d'accord. de faire croire qu'elle était malade, donc elle la croit plus en fait. Et donc, mais alors le message là, c'est quoi ce matin ? Elle veut dire quoi ? Bah en fait, elle veut dire que j'étais vraiment malade, et depuis elle sent qu'il y a un truc qui est cassé. Donc déjà, s'il te plaît, crois-moi, et de deux, reparle-moi un peu d'accord. et retrouvons cette relation, parce que c'est si rare, mais elle l'adore sa belle-mère. Ah putain, c'est rare, ouais. Et petit extrait de la chanson. Ce matin, on a Nolwenn devant nous. Car Sonia, elle aimerait bien mettre les choses au clair. Car tu sais, elle adore sa belle-mère. C'est super rare, alors j'espère qu'il reste de l'espoir. Dis-moi qu'un jour, tout va redevenir à la... Ah bah c'est Big Elliot et Huile d'Olive. C'est super comme nom de groupe. 7h23, bienvenue sur la première radio Dance Floor de France. La radio qui vous a fait découvrir de Parakeet. About to land, after years of joy. Life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Shoot me down, blow me down. You saved me, kill me. Shoot me down, blow me down. You saved me, saved me. Leave me again. Bienvenue sur Fun Radio. On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Mardi 18 octobre, on a lancé avec Marion là tout à l'heure le hashtag Marion, une auditrice là, qui nous a appelé en disant je voudrais lancer le hashtag tu sais que tu es célibataire quand. J'aime bien quand c'est les auditeurs de Fun Radio qui deviennent les rois de Twitter, puisque ce sujet, les amis, est numéro 1 top tweet France. Ça veut dire que c'est un truc qui parle à tout le monde et ça veut dire surtout qu'on va offrir un cadeau à Marion, un pack Fun Radio. C'est le sujet dont on parle le plus là en ce moment sur les réseaux sociaux ce matin, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook. Vous complétez cette phrase hashtag tu sais que tu es célibataire quand. Et je peux vous dire que depuis ce matin, il y en a tout plein qui arrivent. Elliot. Ah bah, tu sais que t'es célibataire quand t'as pas besoin de ranger tes affaires en permanence. Ça, c'est vrai. La vie, ça. Tu sais que t'es célibataire quand tu peux dormir en faisant l'étoile de mer. C'est Croche-Patte qui dit ça sur Twitter. Il y a Daisy qui dit, tu sais que tu es célibataire quand tu achètes une bouillotte pour réchauffer tes pieds l'hiver. C'est vrai. Bah tiens, en rapport avec ça, il y a Céline qui est lyonnaise. Bonjour Céline. Bonjour, bonjour Bruno, bonjour la famille. Salut. On t'écoute. Tu sais que tu es célibataire quand chaque moitié du lit reste froide toute la nuit. C'est vrai. C'est complètement vrai. Et tu mets un pied, tu fais et tu l'enlèves. Je te fais les bisous, Céline. Bisous, bisous. Belle journée, ma chérie. Moi, j'aime bien celui de Paul qui dit, tu sais que tu es célibataire quand t'es déjà division 1 sur FIFA Ultimate Team. C'est tellement vrai. T'as Mickaël qui ignore. Salut, Mickaël. Salut, Bruno. Salut, la famille. Salut. On t'écoute. Alors, tu sais que tu es célibataire quand tu as un tas de fringues sales de 2 mètres au moins dans ta chambre. Bah ouais, bien sûr. Ah oui, c'est une collection de slips, etc. Tu t'en rends compte d'ailleurs au moment où t'en as plus. Tu dis quels caleçons je vais mettre ce matin. Et du coup, après, tu te rends compte qu'il n'y en a plus dans le tiroir et tu sens ceux qui sont au pied du lit pour dire bon, celui-ci pourra faire deux jours. C'est vrai. Je t'embrasse, Mickaël. Tu sais que t'es célibataire, c'est sur Twitter, Antares qui dit ça. Quant à la Saint-Valentin, tu manges un pot de Nutella dans ton canapé devant la télé. Ouais, c'est dur, ça. Bridget Jones, quoi. Il y a David qui dit, tu sais que tu es célibataire quand il n'y a plus besoin de relever la lunette des toilettes. Ouais, c'est vrai. Ah, oui. Ça, c'est vrai. Il y a Christophe qui est à Noailles dans le 60. Salut, Christophe. Salut, Bruno. Salut toute ta famille. Salut. On t'écoute. Alors, tu sais que tu es célibataire quand tu peux t'endormir alors que tu veux dans ton canapé sans qu'on te prenne la tête au réveil. C'est vrai, tu peux dormir dans le canapé, tu peux dormir où tu veux, mec. Tu peux dormir dans la cuisine si tu veux, personne ne te dira rien. Je t'embrasse, bon Christophe. Bah, oui, Elliot. Tu sais que t'es célibataire quand t'as pas besoin de te laver tous les jours. Non, parce que ça, t'es en couple et tu le fais déjà, Elliot. Brice, 25 ans, à Valence. Salut Brice. Salut Bruno, toute la famille. Salut. On t'écoute. Tu sais que t'es un célibataire quand tu peux rester toute la journée en pyjama, les cheveux décoiffés et la marque du coussin sur la joue. Ouais. Et Brice, t'es un peu gay, hein, fais attention. Hein, même pas coiffé en pyjama. Mais tu sais quoi, je suis sûre qu'il y en a plein en couple qui le font, ça. Bah, présent, Elliot, voilà. Présent. Bah oui, bien sûr. Tout ce qui est en rapport avec les trucs dégueux, hein, adressez-vous à Elliot, forcément il dira présent, on le sait. Brice, on te fait des bisous, mon pote. Bisous à la famille. Ciao, bisous. Ciao. Il a 18 ans, il est à Agen. Salut Benji. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. On t'écoute, mon pote. Bah, tu sais que t'es célibataire quand tu peux mater les filles sans qu'on te dise rien. Ah, ça, tu le fais même en couple. Hein. Oh. Moi, j'ai imposé ça. Ah bon? Ouais, j'ai dit, j'ai le droit de mater, ça va. Alors moi, c'est quand je choisis mes lunettes de soleil, je prends des lunettes où vraiment tu vois pas du tout l'œil à travers. Et comme ça, je sais que je garde la tête droite, mais je mets les yeux sur le côté. Et ma meuf, elle le voit pas. Il y a une expression qui dit, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu. Ah ouais. C'est vrai. Ouais. Mais toi qui es vegan, par exemple, tu fais comment alors, du coup, pour les filles? Je regarde que certains menus. Vous continuez jour. Avec le hashtag, tu sais que t'es célibataire quand? Il y a Soprano qui arrive. Comme l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Et si vous l'avez raté, on vous fera réécouter le clash là. Hier, il y a Nicole Pervers qui est arrivé pendant l'interview de Soprano. Je peux vous dire que ça balance grave. On revient après les infos. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Salut, c'est David Guetta. Découvrez mon nouveau single sur Fun Radio. The Weeknd et Daft Punk. Arizona et Robin Schulz. Sean Frank. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Bon, il y a une fuite dans le mur. Le mur est trempé, hein, et ça coule sur le plafond. Le plafond de la cuisine. Vous avez remarqué comme des situations simples, même très simples, sont parfois très difficiles à décrire. Non, parce que ça s'accumule sous la machine, la machine à laver. Avec l'application Pacifica du Crédit Agricole, déclarez un sinistre en toute simplicité sur votre téléphone et ajoutez des photos si besoin. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Application proposée par Pacifica, conditions d'utilisation disponibles sur l'application. Avant, vous faisiez collection de vos anciennes lunettes. Et là, nous avons un modèle authentique des années 80. Oh. Mais ça, c'était avant. Avec les reprises Cris, vos anciennes paires servent enfin à quelque chose. Rapportez vos anciennes lunettes et recevez jusqu'à 75 euros de réduction sur votre prochaine paire. La fondation Cris Group redistribuera les anciennes à ceux qui en ont besoin. Cris, vous allez vous aimer. Reprise jusqu'au 10 janvier 2017 chez Chris. Réduction valable jusqu'au 28 février 2017 sur votre prochain équipement optique ou solaire. Conditions en magasin, dispositif médical, consultez un professionnel de santé spécialisé. Bon, t'es prête? On y va? Attends chérie, je regarde juste un truc sur mon téléphone. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que vous êtes bien assuré chez nous. Nous nous sommes occupés de toutes les formalités auprès de votre assureur précédent. Ah, parfait. En plus, vous venez d'économiser 270 euros. C'est mon appli banque qui va être contente. Je ne vous le fais pas dire. En souscrivant chez Direct Assurance, nos nouveaux clients économisent en moyenne 270 euros pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Alors, rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô boss? C'est une blague. Un joke? Ben non, je suis chez Lidl. Et ici c'est l'Amérique. Dès demain, le pot de 454 grammes de beurre de cacahuète est à 2,19€, boss. Quoi? 2,19€ le pot de beurre de cacahuète chez Lidl? Mais c'est peanuts! Ben oui, c'est le vrai prix. On bosse vraiment pour des cacahuètes, hein boss? On compte pour du beurre, oui. Et t'arrêtes avec tes bosses, ok? Ok, ok boss. On est mal. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 4,82€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bougez pas, Bruno. Vous restez sur Fun Radio, la famille. Dans quelques secondes, il y aura la chanson du jour. On va essayer de régler le problème de Nolwenn, là, qui voudrait se réconcilier avec sa belle-mère. À tout de suite. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Le point sur l'actu de ce mardi matin, c'est Maxime Poulaouec pour les news. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo. Du brouillard au lever du jour, puis un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le gris l'emportera finalement au nord de la Loire avec quelques gouttes. Il fait 7 à 14 degrés ce matin. Dans l'après-midi, comptez 13 à 17 en général, jusqu'à 22 degrés près de la Méditerranée à Perpignan. L'absentéisme des profs, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, présentera ce matin plusieurs mesures pour améliorer les remplacements de professeurs absents et l'information aux familles. Selon les associations de parents d'élèves, 5000 journées de cours ont été manquées depuis la rentrée. Manifestation des forces de l'ordre en pleine nuit sur les Champs-Élysées. 500 policiers ont perturbé cette nuit la circulation sur la plus belle avenue du monde. Cette mobilisation nocturne avait pour but de dénoncer les violences policières, notamment après l'agression au cocktail Molotov d'un adjoint de sécurité il y a 10 jours dans l'Essonne. Près de 5 heures de retard, 12 000 usagers de la SNCF ont passé la nuit dans des trains sur la ligne Paris-Lyon-Marseille dans les deux sens. En cause, un accident de personne, sans doute un suicide tard hier soir près d'Auxerre dans l'Yonne. Ce sont surtout des TGV Ouigo qui ont été impactés. La saison de cyclisme vient à peine de se terminer. C'était dimanche avec le sacre du Slovaque Peter Sagan au championnat du monde organisé au Qatar. Et bien tout à l'heure, à midi, le tracé du prochain Tour de France sera dévoilé à Paris. On sait déjà que les coureurs s'élanceront de Düsseldorf en Allemagne le 1er juillet. En foot, troisième journée de Ligue des Champions ce soir à 20h45 avec deux clubs français. Lyon recevra la Juventus de Turin alors que Monaco se déplacera à Moscou. Et puis si vous avez des photos ou vidéos décalées, publiez-les sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Ambassadeur Fun Radio. Les meilleurs seront sélectionnés pour le prochain spot pub de Fun Radio. Il passera à la TV le mois prochain, 7h34, vous êtes sur Fun Radio. On retrouve toute l'équipe de Bruno. Bon réveil. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. 7h34, c'est Fun Radio, c'est Sound of Legend. Ça va arriver là dans la demi-heure avec Blue. Et puis ce matin, on a encore une grosse émission que vous allez pouvoir suivre en live sur funradio.fr. On aura avec nous dans le studio Jean Dujardin, Bruno Salomon à l'affiche de Brice 3. Et non, il n'y a pas le numéro 2 parce que le numéro 2, il l'a cassé. Brice 3 qu'on a eu la chance de voir en avant-première, qui est, ouais, c'est du grand n'importe quoi. Des barres de rire pendant une heure et demie, les gars se sont fait plaisir. Et du coup, en se faisant plaisir, ils nous font plaisir parce qu'on voit qu'ils se sont éclatés. Ce sera ce matin. Et puis alors, en petite cerise sur le gâteau, on aura Big Flo au lit. On leur a demandé de venir aux deux frangins pour chanter le générique de Brice the Nice. Et Bruno, ouais. Non, rien. Je t'ai cassé là. Merci. Je l'ai éclaté là. Ouais, super. Je suis parti du Nord-Ouest pour arriver au Sud-Ouest. C'est marrant parce que quand c'est Jean du Jardin qui le fait, tu vois, il y a un truc. Et puis quand c'est Elliot, bah c'est. Ouais, mais laisse Elliot prendre son envol. Il essaye. Tu vois ce que je veux dire. Rien que ça, c'est beau quoi. Mais moi, il m'accueillit, tu vois, par exemple. Je m'y attendais pas. Ouais, mais toi, tu t'attends à rien. C'est pas sympa ça. 7h36. On a comme un petit problème. Le mardi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du mardi. Elliot, je suis pas prête de te soutenir une nouvelle fois, je te le dis. Oh, il t'a cassé. Bon, allez, faites sonner le clairon pour Nolwenn. Elle est à Pornichet. Bonjour Nolwenn. Bonjour Bruno. Bonjour. Bon, bonjour Nolwenn. Bonjour. Nolwenn, 14 ans, ma belle. Ça va, ma chérie? Pas trop en stress? Oui, eh ben écoute, super. J'ai été touché par le mot que tu m'as envoyé sur bruno@funradio.fr. C'est l'adresse mail que vous utilisez quand vous voulez faire passer un message à quelqu'un. Vous n'avez pas forcément les mots. Eh ben nous, on essaye de les trouver pour vous. On les met en chanson. Tu m'as écrit salut la famille. Je me suis embrouillé avec ma belle-mère. Je vous explique. Dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai vomi. Du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'allais peut-être pas en cours le lendemain. Et vu que je suis toujours malade quand je suis chez ma mère et que j'ai pas des bonnes notes, du coup, elle s'est énervée. En plus, je lui ai dit ok, c'est bon, je vais au collège alors que j'ai dit que j'étais malade, donc je crois qu'elle ne m'a pas cru alors que c'est vrai. Du coup, elle veut plus me parler. Aidez-moi la famille, j'ai pas envie qu'on s'embrouille. Je l'aime vraiment. Déjà, c'est ce que remarquait Elliot tout à l'heure. Kiffer sa belle-mère, c'est rare. Ouais, mais elle est super sympa. Bon, c'est cool. Alors, le délire, parce que j'essaye de résumer avec mes mots à moi, c'est que t'étais malade pour de vrai, mais ta belle-mère a cru que c'était pour de faux. C'est ça. Voilà. Et que comme du coup, t'as les notes qui suivent pas forcément au collège, elle se dit que t'es en train d'embrouiller tout le monde et ça l'a saoulée et du coup, elle te fait la gueule. Ouais. Là, cette semaine, t'es chez elle ou t'es chez ta mère? Je suis chez elle. D'accord, t'es chez elle. Bon, mais là, alors, au moment où je te parle, toi, t'es où et elle, géographiquement, elle est où? Elle est chez moi et moi, je suis dans mon bus. D'accord, très bien. Bon. Le but, c'est de lui faire passer le message comme quoi, que tu la kiffes et puis c'est quoi d'autre? Bah que en gros je vais bosser à l'école quoi. Enfin, c'est une année quand même importante le brevet. Ah c'est bien. Et puis qu'elle te fasse confiance aussi j'imagine. Ouais. Bon, Nolwenn. Pendant que je suis en train de te parler, Sonia est en attente au téléphone, on va la prendre à l'antenne. Elle connaît l'émission, tu crois ou pas? Elle écoute tous les matins. Ah bah alors si elle écoute tous les matins, ça se trouve elle nous a déjà entendu. Ah non, à moins que Loosman ait utilisé d'un stratagème. Il me fait un petit signe, il me dit oui. Donc elle ne sait pas que tu vas être à l'antenne avec elle. Nolwenn, on te reprend dans quelques secondes. Sonia, au téléphone avec nous depuis Saint-Nazaire. Bonjour Sonia. Bonjour. Normalement, je crois que tu nous connais. Pardon ? Je crois que tu nous connais, Sonia. Bruno dans la radio. Oh, oh, oh, oh. Non, je connais pas. Ah, ouais, donc on est sur une bonne fan. On vient de se prendre un râteau. Ouais, c'est pas grave. On la joue star, genre en mode, écoute, tu vas reconnaître Bruno. C'est quoi ? Ça apprend l'humilité, c'est très bien. Sonia, non. Tu es en direct sur Fun Radio, je m'appelle Bruno Guillon. Sonia ? Ouais. Laurent, c'est bon, tes appels en numéro masqué. Non, mais Sonia, c'est pas une blague, Sonia. Attendez, est-ce qu'on peut avoir un jingle Fun Radio pour. Est-ce qu'on peut mettre un jingle Fun Radio pour Sonia pour qu'elle se rende compte que c'est pas une blague? Jingle Fun Radio pour Sonia. Fun Radio, let's go! Voilà. Fun Radio. Ouais, ça marche. Un autre petit. Fun Radio. Bon. Fun Radio. Le son dance floor. Voilà. C'est pas Laurent, madame Sonia. Ça va, Sonia, tu nous crois ou pas? Ouais. Alors Christina qui est là. Bonjour Sonia. Il y a Vaché. Bonjour. Elliot. Bonjour. Voilà. Et Sonia, on a une rubrique dans l'émission qui s'appelle la chanson du jour. D'accord. Voilà. Et la chanson du jour, c'est qu'on fait passer un message à quelqu'un en chanson. D'accord, okay. Sonia. Ouais, et ce ouais. matin, on a un message pour toi de la part de Nolwenn. Nolwenn. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, tu écoutes les paroles, Sonia. Tu poses ce verre de Negrita et on en parle. Et on en parle juste après, d'accord Sonia? D'accord. Eh ben c'est parti, on y va. C'est la BO de Brice. Ah. Ce matin, on a Nolwenn devant nous. Car Sonia, elle aimerait bien mettre les choses au clair. Car tu sais, elle adore sa belle-mère. C'est super rare, alors j'espère qu'il reste de l'espoir. Dis-moi qu'un jour, tout va redevenir à la normale. Qu'il n'y aura plus jamais une seule embrouille à deux balles. On compte sur toi pour que votre amour se réinstalle. Qu'il soit plus dur que du béton coulé dans une dalle. Elle sait que tu penses qu'elle t'a menti. Mais que nini, car elle le jure sur sa vie. Le soir dans son lit, elle a vraiment vomi. Promis toute la nuit, elle a vraiment vomi. Elle n'était pas malade, pas coupable, pas Sonia. Même si tu la crois pas, mets ça derrière toi. Allez déconne pas ma Sonia. On a qu'à dire que c'est du passé. Allez Sonia, que tout ça c'est terminé. Allez Sonia, car elle veut te retrouver. Allez Sonia, les délires se l'air tapés. Ouais Sonia, la distance faut la casser. Ouais Sonia, il ne faut plus vous fâcher. Ouais Sonia, car Sonia il est temps de vous réconcilier de vous. Et surtout pas de vous. C'est quoi, j'ai l'impression que Big Flo et Oli c'était vraiment le bon choix de chanson pour Sonia. Big Sonia, et qui? Oui. Est-ce que tu as compris le message? Oui, j'en connais une qui va manger en direct ce soir. Bah pourquoi? C'est alors gentil donc, ce qu'elle a fait. La seule nana qui te fait passer un message en disant qu'elle te kiffe, qu'elle veut pas que vous preniez la tête, et toi tu te dis que tu vas t'énerver par rapport à elle. C'est ça que t'es en train de me dire. Je veux pas m'énerver, mais ça se fait pas quoi, de faire passer à la radio comme ça quoi. Ben justement, affiché, c'est quoi. Qu'elle veut afficher ses sentiments aux oreilles de la France entière. C'est positif. C'est positif, oui. Sonia. Oui, bah oui, tout à fait, oui. Mais bon, elle était avec moi ce matin, voilà quoi. Eh ben oui, ben, elle a voulu le dire avec nos mots à nous. C'était une surprise. Ouais. Okay, Nolwenn. Oui. Nolwenn, t'es en direct avec Sonia, ma chérie. Salut. T'es une bourrique, toi. Ça va? Ouais. Ouais. Bon bah voilà, en fait j'ai voulu passer par Fun Radio pour dire que j'étais vraiment malade et que je voulais pas qu'on s'embrouille pour si peu quoi et que je sentais très bien. Tu sais très bien qu'on s'embrouille, mais c'est pas voilà, c'est pas une affaire d'état. Ça me fait quand que tu me. Enfin, mais Nolwenn, tu sais très bien pourquoi. Alors pourquoi dernière. Parce que nous, on ne sait pas, Sonia. Parce que Nolwenn, elle est une semaine sur deux avec son papa, une semaine sur deux avec sa maman. Ouais. Et quand elle est avec nous, l'école, les leçons, tout ça, c'est nickel chrome. Et dès qu'elle est chez sa maman, et elle fout tout en l'air ce qu'on a fait la semaine d'avant, qu'on s'occupe d'elle pour les leçons, pour être très attentif. Et voilà. Et puis quand elle est chez sa maman, j'ai l'impression qu'elle oublie facilement. Voilà, c'est tout. Mais bon, il n'y a pas non plus à faire d'état. Hein. Non mais Nolwenn, je crois que tu avais dit que de ce côté-là, tu allais essayer de t'arranger, on est d'accord? Oui. Bon. Ah oui, mais depuis l'année dernière, elle fait des promesses, Nolwenn. Hein. Bon. Elle les tient. Nolwenn, maintenant, tu vas les tenir, Nolwenn. Bah oui. Bon. Alors, maintenant que t'es passée à la radio, j'espère pour toi. Parce que là, si t'es à la radio, ma cocotte, bonjour la honte après. Allez, on fait un deal. Nolwenn, elle arrête de pas bosser à l'école et Sonia, t'arrêtes le jaja au réveil. On fait un deal. Allez hop. Et on pose ça sur la table et on se met d'accord. Sonia, je voulais juste te dire que t'avais quand même une belle fille qui était top, hein, franchement, et qui t'apprécie beaucoup. C'est rare quand même. J'ai jamais dit le contraire, hein. Je l'adore, elle le sait très bien d'abord en plus, donc voilà. Et puis Sonia, en plus tu as une voix extrêmement féminine, moi je voulais le dire, ça me rappelle dans ses bonnes heures Jean-Pierre Coff. Oh. Vraiment, Sonia, on t'embrasse, merci d'avoir bien réagi. Nolwenn, maintenant je te fais confiance pour le boulot, d'accord? Oui. On vous embrasse toutes les deux. Bisous ma chérie. Oui, mais parce que moi j'aime bien. Oh, c'est moi ou elle était un peu relou quand même? Non, elle était. On l'a accueillie au réveil, les amis. Oh. En tout cas, oui, par contre, il y avait une vraie erreur sur le fait qu'elle nous écoute pas le matin. Ça, ça on est d'accord, on n'est pas par parti. Il faut enlever le rhum du jus de rhum. Voilà, c'est les petits détails. Voilà. C'était rendez-vous en terre inconnue, là, quand même, hein, ce matin. On va revenir en direct. Il y a Marina, là, qui nous attend avec un moment love du côté de Guingamp. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixés à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 32,28, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. This is Lara Croft. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Le salon français du jeu vidéo, du 27 au 31 octobre 2016, à Paris Expo, porte de Versailles. Venez découvrir en avant-première les jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année. À la Paris Games Week, le jeu vidéo fait son show. Avec Fun Radio. Ok. Fun Radio. Fun Radio. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Tu es célibataire quand lancé par Marion en direct sur Fun Radio là tout à l'heure avec nous qui cartonne, on est toujours numéro 1 top tweet France. Tu sais que tu es célibataire quand tu penses que dans le couple c'est avant tout un truc commercial pour vendre des lots de deux. C'est Ersom qui poste ça là sur sur Twitter. Tu sais que tu es célibataire quand tu connais toutes les pubs qui passent à la télé et qu'on te surnomme les archives. Chaudine là qui dit ça sur Twitter. Hervé tout en classe qui dit tu sais que tu es célibataire quand tu peux péter tranquille sous la couette. Très bien. Ça marche. Oh, c'est mignon. Il y a Attrapeur de mouches qui dit tu sais que tu es célibataire quand tu demandes s'il y a des meufs à la soirée. Tu sais que tu es célibataire quand la seule personne qui te dit je t'aime par SMS c'est ta mère. Ou SFR ou ta banque. Ouais. C'est chaud, je te confirme. Tu sais que t'es célibataire quand tu te réveilles seul, tu manges seul, tu fais ta vie seul. Ah, visiblement, GLHD là est au bout du rouleau, les amis. Carter qui dit tu sais que tu es célibataire quand tu dégonfles ta partenaire après avoir fait l'amour. Oh non, oh non, c'est horrible. Ah, franchement, oh, je peux comprendre beaucoup de choses, hein, mais ça, j'arrive pas à capter le délire. Quoi, c'est le pire. Ouais. Celui-ci, c'est quoi, Elliot? T'as tué le game, vraiment. Ouais, il est bon, il est bon. 7h50, vous écoutez Fun Radio. Et on avait créé, il y a de cela quelques mois, le moment love. Le moment love, c'est une histoire d'amour un peu originale. Bonjour Marina. Salut Nathalie. Bonjour Marina, 25 ans, tu habites à Guingamp, tu fais quoi dans la vie? Je suis maman au foyer. D'accord. Avec le chéri dont tu es tombée amoureuse? C'est ça. D'accord. Moment love, on a lancé parce que voilà, on avait vu une histoire un peu sympa d'un mec qui avait croisé une nana suite à un retard d'avion dans le hall d'attente et puis se retrouver encore un autre retard d'avion dans un autre pays et puis du coup il y a eu un flash et ils se retrouvaient ensemble. Et on avait dit bah tiens allez lançons le truc, un peu d'amour ça fait du bien là vu l'actu du moment. Comment il s'appelle ton chéri Marina? Mon chéri, on s'est rencontré à l'auto-école. Mais c'est quoi son prénom? Joachim. Et donc à l'auto-école, c'est-à-dire? On passait tous les deux notre code, lui passait son permis. Et toi, tu traversais, il t'a renversé. Non. Non, on s'est croisés et ben moi j'ai eu un gros coup de cœur. Je voyais tout flou autour de moi, je voyais que lui. Ah, et voir tout flou autour de soi quand on passe le permis, ça a quand même un côté chiant. Non, c'est pas le permis. Ah. Bon, et alors, et à la finalité, ça s'est passé comment? À la finalité, en fait, on se renseignait tous les deux l'un sur l'autre auprès de la secrétaire. Ouais. Ah, excellent. Et un jour, au bout d'un mois et demi, j'ai décidé d'aller demander mon numéro à la secrétaire. Et on s'est envoyé des messages, on a discuté sur Facebook pendant toute une nuit. Le lendemain, on s'est vu et il m'a embrassé. Comme quoi mignon. Le permis de conduire, hein, ça, ça permet de vivre des choses. Magnifique. Et la première fois que vous avez fait l'amour, est-ce qu'il est rentré en créneau? Non, mais ce serait. C'est raccord. Pardon. Marina, c'est une belle histoire. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fera 5 ans au mois de janvier. On a une petite fille de 2 ans et demi bientôt. Et ouais, qu'on a appelé Rousseau, rapport au code. Elle s'appelle comment la petite fille? Célène. Eh bien, Marina, je te fais des bisous, ma chérie. Sois heureuse. Merci beaucoup. Bisous la famille. Ciao, ciao. Je n'ai pas compris la blague sur Rousseau et le code. Bah, monsieur, le code Rousseau, c'est comme ça que c'est ça s'appelle. C'est la marque du truc. Quoi, code Rousseau, quand tu passes ton code, la marque du code, le bouquin du code ou même les logiciels que tu vas voir sur internet, c'est Rousseau. Bah, pas à mon époque. Mec, j'ai repassé mon code il y a un an et demi pour le permis moto, c'était sur un code genre, Rousseau. Genre c'est un truc connu quoi, le code Rousseau quoi. Non mais arrêtez. Moi je connais. Genre moi j'ai bien passé sûr. Mon code il y a 3 ans. Sauf chez les Rousseau, c'est quoi? C'est le code, et c'est la peinture avec le douanier et c'est la philosophie avec Jean-Jacques. Voilà, et le cadet Rousseau. Et le cadet c'est Roussel. Merde. 7h52, c'est Fun Radio et Soprano. En direct chez Bruno, Fun Radio, Soprano Bava. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, je fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme mes 3 petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. était avec nous hier, Soprano. Il est venu en direct sur Fun Radio. On a passé une heure de kiff que vous pouvez revivre là sur funradio.fr, hein, les amis. Les meilleurs moments. Et puis surtout, à un moment. Je suis un chien. Même si on avait empêché l'entrée du studio à Nicole Pervers, Nicole Pervers s'est retrouvée face à Soprano. Ça a donné ça. Putain, bonjour, ça va? Bon là, c'est le mec qui me plagie, c'est ça? Non, c'est le contraire. Comment c'est qu'il s'appelle, Sopranus? Sopranus. Excuse-moi, je clash sec. Moi, je t'adore, mec. J'adore tes mélodies et tout. Je me dis, comment ça se fait que j'adore? Ben, parce qu'il me copie, en fait. Mais. Non, c'est toi. Donc, qui me copie, en frère. Moi, je dis, je suis un chien dans ma chanson. Et le mec qui copie, il dit, je suis un feu. C'est hyper vulgaire. Moi, je trouve ça pour les enfants qui écoutent de parler de feu. Moi je parle que de la quête. Moi je croyais que t'allais faire un remix. Je suis chauve. Moi je ne suis pas. Je suis trop fier pour dire que ça m'a fait mal au cœur. Donc je vais faire style de rien et je vais effacer les larmes qui coulent sur mon visage et on passe à la suite. Vraiment, c'était une barre de rire. Et il était super frais, Soprano. C'est ouais, énorme. Les images là sur funradio.fr. Journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI inédit. Un homme se souvient du nom du gagnant de la dernière saison de Nouvelle Star. Manifestation, cette nuit, les policiers ont manifesté dans Paris. Ils étaient 500 selon la police et 500 selon la police. Cyclisme, c'est aujourd'hui que sera dévoilé le tracé du Tour de France 2017. L'occasion de connaître le nom des villes qu'on découvrira depuis l'hélicoptère de France 2 pendant la sieste l'été prochain. À Los Angeles, un bar qui n'accepte pas les moches a ouvert ses portes. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait, je suis justement à Los Angeles. Ah, vous êtes dans ce bar, Anthony ? Non, je suis devant. On m'a pas laissé entrer. Ah, autant pour moi. Désolé, Anthony. C'est pas grave, courage. Et pour finir, si vous aimez les sauces et les rappeurs, découvrez Big Flo et Aioli. Hey, voilà. Et Van, ils viennent dans l'émission ce matin. Ah ouais, boum, fort. On est là. Et ouais, voilà. À allez, tout à salut, l'heure. Hein. Oui. Il va vous dire chanter en live à la fin de l'émission. Voilà, on se fait un petit spécial ce matin. Tout à l'heure, invité avec nous aux alentours de 8h15. Jean Dujardin et Bryce de Nice. Bruno Salomon et Igor Dosgor, les deux seront avec nous. Voilà, je voulais vraiment avoir les deux qui sont potes dans la vie, c'est bien de les avoir tous les deux là pour passer une heure avec nous. Ce sera tout à l'heure, ça va se passer ici sur Fun Radio. D'ici là, le son de Sac Noël avec Sean Paul, Trompettes, Calvin Harris également. Vous restez sur Fun Radio, on revient après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Alors ça, c'était moi à 18 ans. Tu jouais au tennis ? Oui, oh, c'était pour faire plaisir à ton grand-père, il était champion de la région. Ah, puis tiens, regarde là. Ça, c'est quand on a emménagé à Nantes pour le nouveau travail de ta maman. Vous avez remarqué comme on prend beaucoup de décisions ? En pensant d'abord à ceux qu'on aime. Et là, c'est qui ? Ah, c'est toi, le jour où t'es arrivé dans notre vie. Avec les assurances prévoyance du Crédit Agricole, anticipez demain pour ne laisser à vos proches que les bons souvenirs. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Contrat assuré par Prédica, entreprise régie par le Code des assurances. Monsieur Richard. Tom Cruise est... Jack Richard. Jack Richard. Ses règles. Je suis pas la loi. Son style. Restez zen. C'est plus gros que je l'imaginais. Privilégiez la discrétion. J'aime pas qu'on me suive. Toujours un temps d'avance. C'est un coup monté. Jack Richard, never go back. Tom Cruise. Demain au cinéma. Là, c'est l'heure de la chasse. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Bougez pas, Bruno. Vous écoutez Fun Radio, il y aura un iPhone mini à vous filer ce matin à 8h30. On va se faire le jeu des 30 secondes. Bah, et je pense qu'on va ambiancer Bruno Salomon et Jean Dujardin pour qu'ils puissent participer si vous avez envie de jouer avec eux, en tout cas. 32-28, ce sera dans une demi-heure sur Fun. Fun Radio. Le son. Fla. Le point sur l'actu de ce mardi, 18 octobre. L'actu en deux minutes, là c'est tout de suite avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. La météo de ce mardi 18 octobre, du brouillard tôt ce matin, puis un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le temps se fera plus couvert à la mi-journée au nord de la Loire, entre la Bretagne, le bassin parisien et les frontières de l'Est, avec quelques averses. Il fait ce matin 7 à 14 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez 13 à Lille et Reims, 14 à Paris et Brest, 17 à Lyon, Tours et Tarbes, 22 degrés à Perpignan. 5000 journées de cours manquées depuis la rentrée. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, dévoilera une série de mesures ce matin. Elles auront pour objectif de réduire l'absentéisme des profs. Dans le premier degré, il y aura un vivier unique de professeurs remplaçants par département, alors que jusque-là, leur zone d'intervention pouvait être plus réduite. Dans le secondaire, le ministère proposera aux professeurs de suivre leur formation pendant les petites vacances en échange d'une rémunération. Des voitures banalisées, gyrophares allumés sur la plus belle avenue du monde. 500 policiers ont manifesté cette nuit sur les Champs-Élysées. Ils voulaient exprimer leur colère et leur ras-le-bol face au climat d'insécurité. Il y a 10 jours, dans l'Essonne, un adjoint de sécurité était gravement brûlé dans son véhicule visé par des cocktails Molotov. Encore des retards ce matin en gare de Lyon à Paris. La cause, un accident de personne, sûrement un suicide cette nuit près d'Auxerre en Bourgogne. Les trains ont enregistré jusqu'à 5 heures de retard sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. 12 000 usagers de la SNCF ont passé la nuit dans les trains. Le prochain Tour de France s'élancera d'Allemagne, c'est du cyclisme. Première étape prévue le 1er juillet avec un contre-la-montre de 13 km à Düsseldorf. Le tracé complet sera connu à midi. Et puis du football ce soir avec le début de la troisième journée de Champions League. Monaco tentera de conserver la tête de son groupe sur la pelouse du CSKA Moscou. Pour Lyon, il s'agira de sauver les meubles contre le leader du Calcio, la Juventus de Turin. C'est à 20h45. 8h03, on retrouve Bruno dans la radio sur Fun. Bruno on Fun Radio. Mardi, c'est le 18 octobre, c'est Fun Radio. Vous écoutez, il est 8h03. Bonjour! La famille, bienvenue les amis. En fait, je suis en train de me marrer parce qu'il y a Bruno qui est dans le couloir, Bruno Salomon qui est déjà arrivé. On est en train de parler tous les deux. Ça arrive dans un quart d'heure, voilà. Dans un quart d'heure, les amis, je pense que cette émission va être n'importe quoi. Bruno Salomon, Jean Dujardin, il y a Big Flo et Oli également qui vont passer. On se fait une petite spéciale à l'occasion de la sortie de Brice 3 sur les écrans. Le film arrive demain. On a eu la chance de le voir avec l'équipe la semaine dernière. C'est Fort Nawak, les amis. Et je viens de voir Bruno Salomon, je lui ressemble un peu, non? Du tout. Pas du tout. Hein. Bah mec, si tu veux me le mettre chanchon avant qu'il rentre dans ce studio, t'as qu'à me le dire. Je trouve un peu. Non, rien à voir. J'ai déjà vu son chien, Bruno Salomon. Là, il y a peut-être un truc. Oh non, ah ouais, c'est pas sympa. Elliot. Non, mais Elliot, tu sais quoi? Tu es Elliot et tu ne ressembles qu'à Elliot. Oui. Et c'est ce qui fait qu'on t'aime. C'est ce qu'on aime, exactement. Ça fait notre originalité. C'est gentil, finalement. D'accord. J'aimerais bien limer un peu mes fesses. C'est ça, un peu grosse, mais une fois. Ouais, enfin là, on n'est plus sur du limage, là. Ouais, c'est faut une ponceuse, hein, ouais. Vraiment. Comment ça va, Vaché? Ça va, bonjour. Comment ça va, Christina? Ah, ça va très bien. Bruno Salomon m'a dit tout à l'heure qu'il était entouré de jeunes filles, donc de jolies jeunes filles. Il était content et j'en faisais partie. Voilà. Ah bon? Ouais. Non, il devait pas parler de ça. Il devait penser que t'étais la mère de toutes les jeunes filles. Il travaille dans l'humour. C'est pour ça qu'il t'a complimenté. Ouais, il t'a complimenté parce qu'il pensait que t'étais la maman. Les amis, vous avez vu? Ça m'a fait plaisir. Il y a un fait divers là, qui a eu lieu ce week-end en France. Non mais c'est un truc énorme, c'est un couple qui est arrivé à se battre, mais vraiment physiquement, donc ça c'est pas très cool, juste parce qu'ils regardaient Danse avec les Stars et qu'ils étaient pas d'accord en fait sur un gars. Vous avez regardé Danse avec les Stars ou pas? Alors moi j'ai pas regardé et tu vois j'en parlais hier, j'ai fait une bouffe entre potes hier et dedans il y avait Artus que j'adore et je suis super emmerdé cette année parce qu'il y a beaucoup de potes à moi qui sont dedans. Il y a Olivier Mine. Moi, j'ai lancé la team Olivier Mine. Alors, à fond Olivier de cale. Mine, Mais il a un problème au dos, Olivier. Ah, c'est compliqué. Hein, vraiment, là, il a dansé. On avait l'impression, il était bloqué. En fait, il a une sciatique, je crois. Il souffle martyr. Ah, mais ça se voit. Hein, moi, je t'explique. Souffle. Il est fragile du dos, Olivier. Il souffle martyr. Il m'a raconté les coulisses. Il doit faire un porté avec, comment elle s'appelle, sa danseuse, Catherine Apachette, c'est ça? Exactement. Et ouais, il est en galère. Je dis, mec, imagine, ça aurait pu être pire. T'aurais pu le faire avec Valérie Damido. Ah, non, mais alors, t'es méchant avec Valérie Damido parce que pour le coup, franchement, elle s'est pas trop mal démerdée. Non, je crois qu'elle a assuré, ouais. Mais alors, du coup, cette histoire, donc on revient. Alors, ils défendaient qui? Est-ce qu'on sait qui, dans quel team ils étaient? Il y a un mec qui est hyper beau gosse, c'est Laurent Mestret. Je sais pas si vous voyez qui c'est, il a gagné Koh-Lanta. Il a fait Koh-Lanta, ouais, si, je vois très bien, qui était déjà torse nu d'ailleurs. Exactement. Et la meuf a fait exactement ce que j'ai fait moi avec mon mec, c'est-à-dire que bah, je me suis régalée, puisqu'il était torse nu, il était magnifique. Je l'ai même pris en photo, je l'avais snappé d'ailleurs. Elle a fait exactement la même chose et son mec était hyper jaloux. Alors, faut dire qu'ils avaient bu, hein, tous les deux, forcément. Je la vois la soirée. Et donc ça s'est terminé à l'hosto, hein. Donc bon, ah, carrément. Ouais, comme quoi on peut être très très très jaloux, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah ils se sont mis sur la gueule. Ah oui, ils se sont battus, d'accord. Bah, ils s'engueulaient devant la télé, ça arrive. Moi mes parents ils faisaient ça avec la politique à l'époque. Ah bon? Il n'y avait pas Danse avec les stars, donc ils se démerdaient avec Chirac et Mitterrand. C'était un truc moins glamour. Ah bah c'est moins glamour, hein, sur le papier. Cela dit, Mitterrand danser, ça aurait été drôle. Vraiment, ça m'aurait fait rire. Stéphane Radio, la famille, je paye de la facture. Dans moins de 3 minutes après Sean Paul. Hey yo, this is Sean Paul, the girls, I'm overall. When I come to France, you know I'm listening to Bruno on Fun Radio. C'est la gueule avec des big tic-tac, j'ai fait gimme des, head to the floor, girl, gimme des, then over girl and give me this fit down to the ground, seismic activity. Spin round me girl and give me the, top wine girl and give me the, body look fine girl, give me the, coming out here some time girl, give me the, body look good girl, you ever be winning it, turn it up right girl, you never be dimming it, take up your body cause you're in your element, funny body may take up a permanent residence, rotate your body coming over, you're spinning it, rotate your body coming over, you're spinning it. Take your body, come in, love, you're spinning it. Make the trumpets blow. When you bubbly, bubbly, serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. Some me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body may take up a permanent residence. Trumpets blow. We'll be right back. Les amis, je viens de tomber sur cette info, la fête d'hiver qui s'est passée à Toulouse lundi soir aux alentours de 23h. Je vous donne les détails, hein, c'est les détails de la police. 23h à lundi soir à Toulouse. Très bien, monsieur. Jackson, bonjour, gendarmerie nationale. Ouais, alors, excusez-moi, je vous mets tout de suite en relation, ne quittez pas, j'ai le fait d'hiver. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Bonne soirée madame, papier du véhicule s'il vous plaît. Lundi soir 23h, une jeune femme a été interpellée après avoir tenté de couper les parties intimes d'un homme qui refusait d'avoir une relation avec elle. La scène s'est déroulée rue Émile Cafort dans le quartier des Minimes à Toulouse. Et en fait la victime c'est un DJ, d'accord, ouais. DJ de profession, ouais. Qui a refusé de coucher avec la dame. Mais alors du coup, elle voulait le couper pour pouvoir le garder et l'utiliser plus tard. C'est quoi son délire? Je sais pas. C'est une vengeance. Mais qu'est-ce qu'elle avait comme objet sur elle pour couper? Parce que c'est pas possible. Avec un couteau, avec un cutter même pour être précis. Elle lui a mis un coup. Le mec a été hospitalisé. Ça a juste touché. Il met parce qu'il y a les détails. Ça a juste touché à peau des testicules. Très bien, monsieur. Mais ce qui est ouf, c'est quand même le truc le plus ouf de cette info, c'est quand même c'est le premier DJ, je pense, qui refuse de coucher avec une meuf. C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il avait une chérie et qu'il était fidèle. Très bonne vanne de Christina. Le premier DJ fidèle qui refuse de coucher avec un homme une... fidèle, j'adore ces vannes. Excuse-moi de te dire. La fidélité. 8h12. Avec nous dans 5 minutes en direct sur Fun Radio. L'équipe de Bryce 3. Le film sort sur les écrans demain. Moi je suis comme un ado là, je suis désolé, je vais faire un malaise. Pourquoi? Bah, je vais tomber dans les pommes, je les adore ces mecs, je les adore putain. En même temps, ils sont forts. Putain, c'est chiant, mais ouais, mais tu sais, faut qu'on ait la face, tu sais, on les reçoit. Bien on sûr. Les reçoit à la maison, faut qu'on fasse genre, ouais, on est blasé, tu vois, mais moi je vais pas y arriver, je transpire. Ah, j'ai pas que tu fasses genre. Les gars, mais... On est blasé, ça me ferait rire. Ouais, face à Jean du Jardin et Bruno Salomon, ça me ferait rire. Genre, ouais, bof, tu lis leur bio, tu fais ouais, bof. c'est pas crédible. Ils seront avec nous là tout à l'heure dans moins de. Bah, dans à peine 5 minutes là sur Fun Radio. Pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô, paye vos factures. Oui, il est adorable. Ouais, je fais ça tous les matins, 7h15, 8h15 en direct sur Fun Radio. Vous avez des factures, je les paye. Il faut les envoyer par mail, facture@funradio.fr ou bien les déposer sur le site brunopayevosfactures.fr. On vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. Et ce matin, on appelle Peggy. La cochonne. Super Elliot, merci. Oh, on n'a pas dû lui faire 500 000 fois en plus. Elle habite dans le 82, département du Tarn-et-Garonne. Oui, allô? Allô, Peggy? Oui? Voilà, on sent la nana qui a couru au téléphone. Putain, c'est moi! C'est moi! On est d'accord ou pas? Genre, on est trop d'accord. T'étais dans la salle de bain et elle s'est dit: oh, c'est mon téléphone! Oh mon dieu! C'est ça, il est où? Peggy, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno, le Bruno que j'adore. C'est Bruno que j'adore. Bravo. Merci. Comment ça va, Peggy? Calme-toi, tout va bien. Allez, sois zen. Je suis contente, c'est cool. Bon, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? T'habites à Albia, ça, c'est ça? Ouais, j'ai 29 ans, je suis aide-soignante en addicto, à l'hosto, avec une équipe géniale. D'accord. En quoi? En addictologie. Ah, en addictologie, c'est-à-dire c'est pour tout ce qui est toxicologie, etc. ou rien à voir? Ouais, si, c'est ça, les drogues et l'alcool. D'accord, très bien. Eh ben écoute, ça tombe bien qu'on tombe sur toi. On s'y connaît, pas mal. Ok, mais moi je veux bien venir vous voir et voilà. Et nous soigner. Peut-être pas, mais on pourra quand même boire un petit verre. Hein, d'accord. Peggy, voilà. Tu m'as envoyé une facture de 395€. Qu'est-ce que c'est? C'est mes cours de boxe que j'ai commencé en septembre et que j'adore. Oh là! Ouais. Alors nous, on est la famille que t'adores, Bruno que t'adores, les cours de boxe que t'adores. Tu vas arrêter de kiffer ta vie, toi, ou quoi? T'es trop heureuse, hein, arrête. Et tu fais quoi? C'est de la boxe quoi que tu fais? Boxe anglaise, boxe française, boxe thaï? Ouais. Boxe anglaise, je voulais inscrire mon fils. Et en fait, le prof m'a demandé de tester. Ouais. Et du coup, j'ai bien aimé. Et il m'a dit, ok, tu restes avec nous, tu t'inscris. Et... Donc voilà, je me suis bien amusée. Tu viens de voir, tu peux amener tes gants. Tu peux mettre ton short et ton t-shirt Venom. C'est vrai que Bruno aussi, Bruno est un grand boxeur depuis maintenant un an. Ça va faire 2-3 ans maintenant que je fais. Ouais, moi aussi je mets des boxeurs, j'en fais pas tout le temps. Boxe anglaise aussi, ouais, ma chérie. Ouais, trop cool. Eh ben, tu sais quoi, je vais te payer cet abonnement, Peggy. Ah, merci. Et je vais sortir de cette discussion puisque je me rends compte que dans le studio, ça fait chier tout le monde. Vraiment. On est tous les deux en kiff et tu sais, c'est comme un repas où il y a deux personnes qui kiffent puis les autres sont autour de la table et c'est chiant. Donc, je comprends, Peggy, c'est cadeau, c'est pour moi. Je t'envoie le chèque de 395 euros. Ah, trop cool. Merci beaucoup. Bisous, Peggy. Bisous. Jean du Jardin, Bruno Salomon, avec nous en direct, c'est sur Fun Radio ce matin, et c'est juste après ça. Fun Radio, DJ Awards. En direct de l'Amsterdam Dance Event. Let's go! De mercredi à samedi, 16h, JB et Adrien Thomas seront en direct du studio Fun Radio d'Amsterdam. Pendant 4 heures, les plus grands DJ viendront mixer pour vous, vous parler et recevront leur trophée. Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo. Hello, hello, it's Martin Garrix. Quel DJ Fun Radio repartira avec le plus de trophées? Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Bah, pourquoi tu cries? Tu viens d'apprendre que maman venait ce week-end. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Eh bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez bic 3 et bic flex 3 confort en promotion dans votre magasin. Leclerc. Philippe, tu savais, toi, qu'avec Leclerc, on peut profiter de primes énergie quand on fait réaliser des travaux d'économie d'énergie dans la maison? Absolument. Des primes en carte cadeau Leclerc qui te permettent de faire tes courses dans tous les magasins Leclerc. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, ces primes peuvent, selon tes revenus, être multipliées par 4. Rendez-vous sur l'énergiemoinschère.com pour connaître les modalités d'obtention et d'utilisation des primes énergie. Inscrivez-vous avant de vous engager auprès de votre installateur. Des travaux pour faire des économies qui te donnent droit à des primes pour faire d'autres économies. J'adore l'idée. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Après avoir réuni près de 5 millions de spectateurs au cinéma pour Brice de Nice, ils sont de retour. Brice, c'est ton meilleur ami. Marius. Au secours ! Rejoins-moi, au plus vite. Prends le premier avion. Le premier avion, s'il te plaît ? Oui, le premier avion pour vous. Ah ben, je sais pas. Brice de Nice et Igor Dosgore, alias Jean Dujardin et Bruno Salomon. De l'autre côté de la digue, tu trouveras la plage des surfeurs. Ah, c'est gentil, merci. De tout de ma gueule, non, juste de ta voix. Ils sont ce matin en direct sur Fun Radio. Les amis, en direct avec nous ce matin, c'est tôt, hein, 8h18. Applaudissements pour Jean Dujardin et Bruno Salomon. Ouais. Bravo. Bravo. Jean, je t'ai dit, pour que ça marche, faut que tu cries. Il y a des gens qui dorment, les gars. Respectez. Comment ça va, Bruno? Ça va super, Bruno. Tu galères, profond. T'en as un nain, mec. On a filé un micro de nain pour Jean Dujardin, mais toi, t'as le bon. Ouais. Antonin ouais. Dujardin. Pourquoi tu fais ouais? C'est quoi, ouais, c'est ça. Il faut crier et avec de la musique forte derrière. C'est comme ça, tu fais l'interview, genre. Alors, les gars, comment ça s'est passé, l'été? Le tournage du film? C'était bien ou pas? Jean, t'as des anecdotes? Oh, je l'ai gavé! Il y a un moment, j'avais plus de voix! Et toi, Bruno? J'étais au-dessus de ça! Le moment que t'as préféré dans le film? Oh, mais la fin, quand t'es parti au générique! Non, moi, c'était super! Moi, j'ai adoré le film. Bon, les amis, voilà. On voulait absolument vous recevoir ce matin. Et je le dis avec d'autant plus de facilité que le film Brice 3 sort avec une autre radio. Et je me suis dit, je m'en fous, qu'à cela ne tienne. Ça me faisait plaisir de vous avoir parce qu'on a vu le film en avant-première la semaine dernière et on s'est dit, putain, les gars, ils se sont gavés. Ils se sont gavés. Vous vous êtes fait le film du kiff où tu te dis, tu sais quoi? On va pas se priver. Ça nous fait rire, ça va faire rire, et on y va, on balance toutes nos vannes. On a pleuré pendant une heure et demie, les amis. Mais avant toute chose, en fait, on sent que c'est un film de potes, surtout. C'est un film sur l'amitié, et c'est un film avec des potes, oui. C'est un film... c'est pas un film non plus sans les freins, quoi. On y va, on déconne, on veut y mettre plein de choses. Il y a nos petits messages à la con, comme dans le premier Brice, tu sais, avec le « Deviens ce que tu es ». Là, c'est un peu « Regarde-toi en face ». Et puis, effectivement, dans l'intervalle, Il y a énormément de conneries avec des conneries visuelles et puis de la vanne, ouais, du flash. La caisse. Ah, j'ai une question, justement, je me demandais depuis combien de temps vous êtes potes, parce que moi je vous regardais dans les Nous c'est Nous sur France 3, je regardais aussi dans Farce Attack. Il est fan, Salomon la personne en face va faire une syncope. Je suis méga fan, je peux mourir à tout moment. Salut, bonjour. Aujourd'hui nous sommes Zaza, fan radio. C'était génial, mais vraiment avec ma sœur on regardait tout le temps, c'était génial. J'ai regardé des vidéos du coup hier. On est nés ensemble. Vous étiez tout jeune, tout maigre et tout. Ouais. Ça veut pas dire que vous êtes tout vieux. Non, non, mais ça fait bizarre. Tout vieux, pourri, tout fait. Alors qu'il est chauve. J'avoue. Mais en fait, on se connaît depuis effectivement 96. Et moi, je suis arrivé peut-être et j'ai vu un beau mec sur scène, Bruno Salomon. Yeah. C'était la resta du carré blanc. Toutes les meufs, elles étaient comme ça devant lui. Et il faisait c'est au El Cochon d'Indo. Ouais, le cochon d'Inde, bien sûr. Génial. Ça. Et moi, j'ai vu un beau mec dans la salle et j'ai dit t'es qui, toi? Et on est devenu pédé. Vous êtes ensemble. C'est magnifique. Et on a créé un enfant débile, c'est Brice Denis. Et un autre taré, Igor Dosgore. Mais tu sais quoi, et ça m'a fait vraiment plaisir, justement. Il y a une scène dans le film, alors on va pas vendre Bright 3, vous allez les voir demain au cinéma, mais quand on voit les autres potes du Nous, c'est Nous qui arrivent dans une scène qui est complètement irréelle. D'ailleurs, à un moment, je me suis dit, ça a été écrit, forcément, ils avaient abusé sur l'alcool, il y a eu un délire. Sans boire. Même pas. Non, c'était. Oui, la scène, effectivement, sur le bateau. Ouais, c'était évident, ça devait être eux, en fait. Ça devait être les Nous, c'est Nous, quoi. Mais oui, c'est comme ça. Enfin, c'est un film de potes, c'est un film libre. C'est ce qu'on voulait retrouver aussi. Et dès qu'on se voit, on chante, t'as remarqué? Même dans la vie, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Tu vois, les Nous, c'est Nous, on chante. On avait fait Nous, c'est Nous, les chansons. Ouais. Bigorneau, et là, laisse-les tranquilles. Tu l'as pas là Non, j'ai pas cet extrait-là du film. Comment ça se fait que t'as pas sur ce... Attention, par contre, on nous demande un truc. Nous, on peut trouver l'extrait en moins de 2 heures. Hein. Ouais, si on met un mec sur le coup, attention, bougez pas. Mais j'imagine d'ailleurs, Bruno, parce que donc Jean, tu as coécrit le scénario. Quand tu proposes le rôle à Bruno ou à Clovis Cornillac de revenir et de faire un Brice 3, tout le monde te dit oui tout de suite sans regarder le scénario, j'imagine. Non, quand même pas. Non, non c'est vrai. Je les ai appelés avant de commencer l'écriture. Je leur ai dit voilà, est-ce que ça te dirait d'aller dans cette direction, d'aller un peu dans un. On a modifié un tout petit peu l'ADN de Igor Dosgore dans le film. Ouais, il a eu un petit pet au casque. Ouais, petit changement. C'est cliché, ouais. Mais sinon, je le fais avec lui. Puis après, on se revoit et on commence à gratter ensemble. Quelques vannes. Mais le résultat est extraordinaire. Et alors, mention spéciale pour la vidéo que vous avez balancée quand même sur YouTube ce week-end, qui a dépassé le 1 500 000 vues ce matin. Donc, le c'est le film de Brice 3. Je voudrais remercier Florent Bernard et Julien Josselin, enfin, le groupe. Studio Bagel. Ouais, Studio Bagel, ouais. Golden Moustache, Kian Kojandi aussi, Navo, tout ça. Ouais. Qui nous sont venus aussi nous apporter des supers idées. C'est quoi, moi, j'ai quand même regardé, bon, j'ai avancé, hein, mais je me suis fait l'heure et demie. C'est pénible, hein. J'ai fait une demi-heure, moi. C'est pénible, hein, comme truc. C'est pénible. Oui, mais tu te dis, s'il se passe un truc, c'est toujours pareil. Ouais. Je suis resté jusqu'à la fin du générique de Brice 3 en me disant jusqu'à la fin, j'attends la dernière vanne. Et du coup, j'ai regardé, hop, je zappais, j'étais content, moi. Alors tout le monde connaît évidemment Jean Dujardin et Bruno Salomon. Pas du tout. C'est qui? Non mais j'ai quand même essayé de trouver des petites infos qu'on ne connaissait pas sur vous. Ouais. Alors je vous propose un jeu dans l'équipe. Ouais. Ça n'a pas de rapport avec vos bracelets électroniques. Rassurez-vous. Vous dévoiler des petites anecdotes. Elles concernent soit Jean, soit Bruno. Ouais. Et dans l'équipe vous essayerez de deviner qui elles concernent. Ok. D'accord Jean, qui de nous deux? Okay. C'est quoi? On va faire un truc. Elliot, tu vas prendre le petit micro de Jean. Ok. Et on va donner le gros micro à Jean. Ouais. Voilà, comme ça il sera bien devant, qu'on l'entende bien. On t'écoute, Christian. Alors première petite anecdote. Il a déjà fait des câlins sur un lit superposé. Est-ce que c'est Jean ou est-ce que c'est Bruno? Donc ça veut dire que ça, ces infos, tu les as trouvées en lisant des trucs que eux ont déclarés. J'espère que ce ne sont pas des conneries. Sur des lits superposés avec des adultes. Hein, on va quand même. Peut y avoir les deux ça, ou pas? Attends, peut y avoir des vannes aussi parce que ça. Il peut y avoir des vannes. Qui étaient des vannes. C'est ça. On va faire des carrières sur des lits superposés. Je pense que c'est moi. C'est moi qui fais une. Ah oui, j'ai dit ça chez Sublé. Ouais, c'est ça. Exactement. Elle m'a dit l'endroit le plus fou où t'as fait l'amour. J'ai dit dans un lit. Dans un lit superposé. J'étais hyper déçu, donc j'ai dit lit superposé. Mais tu sais, des fois, on dit des conneries. D'accord. Et tu sais quoi? En le re-racontant. C'est-à-dire. Oui, une info, pas au même niveau en plus. En le re-racontant, c'est redéceptif. Bon, une autre. Alors, celle-ci est vraie. En CM1, il était dans la même classe que Guillaume Canet. Est-ce que c'est Jean ou est-ce que c'est Bruno? Jean Dujardin, je dirais. Ouais! Super Jean! Petite relance. Oui, ça, on a vu une baisse. C'est bien pour faire une témoin. Ça fait chier. Non, mais c'est énorme. Tu peux nous en dire plus? Vous étiez copains à l'époque quand vous étiez dans la même classe ou pas? C'est-à-dire qu'on n'était pas spécialement copains. C'était un connard, je crois. Quand non, non, si on rentrait, je le revois, on rentrait de cours d'école, il avait un taton tans bleu. Oh, oh merde il avait la même tête. Non, lui, il jouait vachement au foot avec des balles de tennis et moi, je jouais plutôt. Au tennis avec des balles de foot avec les filles. Avec les filles, en fait. C'est lui, Jean-Guillaume, en fait. C'est lui, Jean-Guillaume. C'est un personnage qui s'appelle Jean-Guillaume. Non, il y a des garçons qui sont très sport et il était vachement sport. Lui, c'est un compétiteur. Et moi, j'étais un peu plus romantique. Et après, ouais, vous êtes devenu poste. Ce qu'on appelait un queutard à l'époque. Ouais, voilà, c'est ça. C'est lourd. Ouais. En CM1, t'es mais sûr si, non, non, on a fait du catéchisme ensemble, même. Wow, c'est bien, j'en fais une radio ou pas ça. Je t'ai quitté. Jésus revient. Une autre. Avant d'être célèbre et de pouvoir vivre de son métier, il a été doublure de Dingo à Disneyland. Est-ce que c'est Jean, ou est-ce que c'est en fait Bruno? Tes yeux te trahissent. Ouais. Exactement. Non, mais c'est la doubleur. Les Dingo. Auditeurs ne nous voient pas. Ah, les auditeurs ne nous voient pas. Ah, mais moi je les vois. Comment c'est possible? Non, mais je dis, ouais, c'est Bruno, il fait, j'ai fait Dingo. Milliards de voix. Oui, Dingo, t'as pas le droit de parler quand tu fais Dingo. Non, j'ai bossé Euro Disney, voilà. Bon, il n'y a pas de son métier. Hein. Ah, mais oui, mais t'as pas le droit de parler dans ces cas-là. Ben non, tu te tais. T'as chaud, même en hiver. Et donc voilà, j'étais le premier Dingo européen. Et j'en suis fier. Oh, la classe. Et sur un CV, ça, je peux dire non, que ça calme parler. T'as essayé le corps. Mais j'ai appris à bouger dans Dingo. Mais t'as le droit de parler ou pas dans Dingo? Ah ouais, tu sais, le monde sans fin. La même question tout le temps. Non, t'as pas le droit de parler. Et voilà. Donc, tu sais, il faut gagner sa vie à un moment. Ouais. Alors, j'avais le choix entre ça ou l'usine et j'ai préféré Dingo. Et là, tout le monde pleure. Et c'est un moment un petit peu... Tu sais. C'est marrant parce que tu vois, ça n'a pas eu la même influence. Jean, il a fait un film où il n'avait pas le droit de parler. Il a eu un Oscar. Hein, quand même. Et moi, j'ai eu un Carlos. Alors, j'en ai une petite dernière. C'est peut-être une connerie aussi, mais il croit aux esprits. Alors, je dirais pas aux fantômes, mais aux esprits. Est-ce que c'est Jean ou est-ce que c'est Bruno? Les deux? Aucun des deux? Moi, je crois au White Spirit. Je t'emmerde. C'est toi, ça. Moi, je crois aux esprits, moi. Ouais, c'est toi qui as déclaré ça, Bruno. Ouais, je l'invente pas. Bruno, je dis n'importe quoi tout le temps. Je dis n'importe il était habillé en Dingo, c'est une balle de sa vie où il était fou. Je crois aux esprits de Dingo. Voilà, c'est ça. Ah, non, non, j'ai dit ça, je sais pourquoi. Pour le secret des listes, c'était la promo pour. Exactement. Mais là, quand je vous vois tous les deux. Je crois aux esprits. Quand je vois tous les deux ensemble sur le ping-pong de Van, etc., sur le tournage, est-ce que vous avez réussi à faire un truc à peu près carré? Je veux dire, est-ce que. Le réalisateur s'est pas bouffé à un moment en se disant les gars, il y a de l'argent quand même, il faut qu'on essaye au moins de tourner la scène dans l'après-midi. Jean est très carré, hein, on dirait pas comme ça. Ah, ouais, il est très carré. Non, on essayait de se mettre dans un espèce de confort de scène. Non, ce qui est super avec ces personnages-là, c'est vrai que c'est terrible, c'est génial de faire les teubés, quoi. Et c'est tentant parce qu'on a envie de recréer sur scène. Il y a quand même des scènes qui sont écrites, on essaie d'aller à peu près jusqu'au bout. Où je lui fais bouffer des trucs dans le film et tout, je m'amuse. Ouais. Oh, tu l'as vraiment fait ça ou il pas? Il m'humilie publiquement. Il y a beaucoup d'humiliation dans tout est vrai. C'est du de gosse, quoi. Mais tu sais quoi, ça m'a chauffé, moi. Si tu veux être mon ami, tu fais ça, sinon non, quoi. Ouais, c'est obligé. Bah, sinon, en fait. Alors non. C'est des trucs de chien. En fait, ils ont 4 ans et demi, quoi. C'est des trucs, à 4 ans et demi, tu dis, tu bouffes ça et t'es mon ami, d'accord. Mais tu sais quoi, je crois que c'est super envie d'être son ami, quoi. C'est pour ça que ça nous a parlé, en fait. Le fait que. Plus tard, on dit, tu me bouffes le cul, t'es mon ami. C'est dans un autre monde, ça. Bon, merde, tout est enregistré là. Ça va. Pas du tout direct. Jean Dujardin, Bruno Salomon sont nos invités ce matin. On a un jeu dans l'émission qui s'appelle le jeu des 30 secondes. On va vous expliquer pendant les infos à quoi correspond le jeu des 30 secondes. Il est possible que les auditeurs de Fun Radio fassent appel à vous pour jouer et tenter de leur faire gagner un iPad mini. Ça va arriver dans quelques secondes. Et puis bon, c'était une surprise, mais. Je pourrais sortir le katana. Tout à l'heure, il y aura Big Flo Oli également qui vont venir faire le générique de Brice 3 en direct. Et là, je suis en train de se dire, mais s'il va falloir que je fasse mon rap, on dirait que je le sais, je sais tout faire. C'est vrai? Ouais, je suis bilingue en rap maintenant, je te jure. Les gars, merci, je crois que j'ai compris la valeur d'un ami, le seul qui pourrait surfer avec moi le jour d'un tsunami. Quand parfois j'ai la nausée et que mon cœur pèse des tonnes, donc les gars, on est potes, c'est vrai? Non, je déconne. Ah hey, on revient en direct sur Fun Radio juste après les infos. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Salut, c'est David Guetta. Découvrez mon nouveau single sur Fun Radio. The Weeknd et Daft Punk. Fun. Arizona et Robin Schulz. I just wanna say that I was wrong. Soul Franck. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Showroomprivé.com présente. Une robe à petit col, comme portent les people. Un joli sac à main, comme portent les mannequins. Une jupe vraiment in, comme dans les magazines. Des escarpins classiques, comme dans les quartiers chics. Au bureau, elle cartonne. Avec showroomprivé.com. Les grandes marques, jusqu'à moins 70%, c'est tout le temps, donc c'est maintenant sur showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Un pour tous pour l'anniversaire Intermarché. Plus que quelques jours, c'est les 4 semaines les moins chères de France chez Intermarché. Tentez de gagner votre voyage de rêve d'une valeur de 10 000 euros à composer vous-même et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com. Jusqu'au 23 octobre. Avant, vous faisiez collection de vos anciennes lunettes. Et là, nous avons un modèle authentique des années 80. Mais ça, c'était avant. Avec les reprises Chris, vos anciennes paires servent enfin à quelque chose. Rapportez vos anciennes lunettes et recevez jusqu'à 75 euros de réduction sur votre prochaine paire. La fondation Chris Group redistribuera les anciennes à ceux qui en ont besoin. Chris, vous allez vous aimer. Reprise jusqu'au 10 janvier 2017 chez Chris. Réduction valable jusqu'au 28 février 2017 sur votre prochain équipement optique ou solaire. Conditions en magasin, dispositif médical, consultez un professionnel de santé spécialisé. Bougez pas, Bruno. Vous restez sur Fun Radio, dans quelques secondes on est de retour en direct avec Jean Dujardin, avec Bruno Salomon, il y a le jeu des 30 secondes. Vous appelez le 3228, on va jouer juste après les news. Fun Radio. Le son Dance Floor. Les infos avec Maxime Poulaouec, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On démarre par la météo de ce mardi 18 octobre. Du brouillard au lever du jour, puis on retrouvera des éclaircies sur l'ensemble du pays. Le ciel se couvrira à la mi-journée au nord de la Loire avec quelques gouttes de la Bretagne aux frontières de l'Est. Comptez 7 à 14 degrés ce matin. Dans l'après-midi, il fera 13 à 17 degrés en général, 19 à 22 au bord de la Méditerranée. 5000 journées non remplacées dans les écoles depuis la rentrée. Alors comment faire face à l'absentéisme des profs? La ministre de l'Éducation nationale présentera ce matin plusieurs mesures. Parmi elles, la création d'un vivier unique de professeurs remplaçants par département dans le premier degré. Dans les collèges et lycées, le ministère proposera aux professeurs de suivre leur formation pendant les petites vacances en échange d'une rémunération. La colère des forces de l'ordre. Plusieurs dizaines de voitures de police se sont rassemblées cette nuit sur les Champs-Élysées à Paris, une mobilisation nocturne pour exprimer leur mécontentement 10 jours après l'attaque contre des policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne. 500 fonctionnaires ont circulé à bord de voitures banalisées, gyrophares allumés autour de l'Arc de Triomphe et de la plus belle avenue du monde. 5 heures de retard pour 12 000 usagers de la SNCF. Plusieurs milliers de voyageurs de la ligne Paris-Marseille ont passé la nuit dans des trains en cause d'un accident de personne, sûrement un suicide survenu hier soir vers 23h près d'Auxerre en Bourgogne. Le Tour de France 2017, le tracé de la 104e Grande Boucle sera dévoilé ce midi au Palais des Congrès de Paris. Une seule certitude pour le moment, les coureurs s'élanceront de Düsseldorf en Allemagne pour un contre-la-montre. Ils devraient ensuite parcourir la Belgique puis le Luxembourg avant de gagner l'Est de la France. Et puis du football, ce soir, début de la 3e journée de Ligue des Champions. Monaco tentera de conserver la tête du groupe E avec un déplacement sur la pelouse de Moscou. Et puis Lyon recevra la Juventus de Turin. Ce sera à 20h45. On retrouve toute l'équipe de Bruno dans la radio aujourd'hui avec Brice de Nice. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. 8h34, bon réveil, c'est Fun Radio. Et ce matin, les amis, avec nous en direct, il y a Bruno Salomon et Jean Dujardin. Brice 3. Le film sort demain sur les écrans. Voilà, on a eu la chance de le voir la semaine dernière. Il y a des barres de rire, mais des trucs à la con. C'est-à-dire que même quand c'est pas porté sur des vannes, même les gags visuels, dont celui de la bande-annonce là où tu fais la grimace avec le gars dans la. Ah ouais, lui est formidable. Le gars est formidable. Ah ouais. Il l'a pas mal pris. En face. Hein? Il a pas mal pris le gars. Ah, c'est pas un peu sa gueule non plus aussi. Ouais, tu sais, il l'a fait exprès. Non, il est trafiqué. Ah mais je suis un grand enfant. Moi, c'est vrai. Tu crois que... Il est hyper premier degré. Ouais. C'est pas sa gueule vraiment. Tu l'as vraiment naïf. J'adore ce mec. Elliot, il était persuadé que t'allais venir en noir et blanc au départ. En blanc et jaune. C'est Elliot, c'est pour ça qu'il est là. C'est chacun a son caractère un peu dans l'émission. Elliot, c'est premier degré man. On enchaîne. Pour ça, tout à l'heure, quand il t'a dit oui, ouais, le fameux truc, tu l'as vraiment mangé. Ouais, je croyais que c'était un sketch, enfin, pour de faux. Un sketch pour de faux, alors attends. Les mots qui arrivent vont dans le bon ordre. Il parle comme un enfant aussi, Elliot, il faut le savoir. Un enfant qui s'est cogné contre une porte. Hein. Personne ne le juge. J'ai dit, on enchaîne. Bon, au moins, ça veut dire que tu crois en l'autre. Moi, je trouve ça beau. Je ouais. Crois en toi. Non, non, mais c'est vrai, il n'y avait pas d'ironie là-dedans. C'est beau, c'est beau. Les amis, il va falloir que vous mettiez votre casque, puisque c'est l'heure du jeu des 30 secondes. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Si vous avez un souci dans le casque, si c'est trop fort, pas assez fort, vous dites... Vous savez qu'on fait les réglages en direct, on s'en fout, on en a rien à foutre. Merci. C'est bon le son, ça vous va, tout va bien? On est en plein réglage. Ouais, c'est super, c'est super. Ah merde, ouais, il faut faire le réglage avec la musique de Fun derrière, ok. C'est bon le son ou pas? Super. Bravo, super. On a Mélissa qui est à Clermont-Ferrand, qui a 24 ans. Bonjour. Mais avant ça, tout de suite, Alicia Keys. Oh non. Bonjour Mélissa, ma belle, ça va? Ça va, merci, super. Bienvenue à toi. Tu joues ce matin face à Antoine. Il est à Angers, il a 19 ans. Salut Antoine. Salut la famille. Salut. Bonjour Antoine. Bon, ça va très bien. Les amis, la question que je vais vous poser, c'est avec qui voulez-vous jouer au jeu des 30 secondes ce matin pour repartir avec un iPad mini? Vous pouvez jouer, bien entendu, avec Jean Dujardin et Bruno Salomon, qui sont nos invités ce matin, qu'on a briefé pendant les infos. Bah moi, je vais prendre Bruno. Ouais, ouais. C'est Jean Dujardin pour moi. Eh ben, très bien. Allez, alors, qui commence? Alors, je pense qu'on va faire commencer Bruno, puisque j'ai eu le temps de le briefer pendant la pub, mais pas Jean. Comme ça, Jean va pouvoir voir comment ça se passe. Oh, la tête de Jean, tu sais, qui est en mode, mais tu tout seul. En fait, ça veut dire quoi? Moi, j'ai pas compris, c'est ça? Solitude. Non, c'est pas ça, c'est que t'étais en train de parler, je voulais pas te déranger. Je parle avec qui? Avec Elliot, je crois. Oui, ou Bruno, peut-être. Ah oui, d'accord. Bon, intéressant. C'est pyramide, en fait, c'est pyramide. Non, ouais. Ouais, mais t'as pas de briques. Oh, comment il nous a cassé notre jeu. On était des génies pour nous. Ouais. On avait inventé un putain de jeu. Lui, il arrive. Ouais, vous avez pris pyramide, quoi. Ouais, c'est pyramide, non? Mélissa, tu joueras tout à l'heure. Pour l'instant, Antoine commence donc avec Bruno. Bruno, tu dois lui faire deviner des mots. On va te donner la liste au dernier moment. Ah, au dernier moment, je peux pas réfléchir avant. Non, bah non, c'est le principe. Dès que le chrono part, t'as la liste et tu dois lui faire deviner les mots. Okay. Attention, on peut pas passer les mots. T'as pas le droit de passer. Go, go. Bryce. Planche. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux dire les phrases. Attends, viens, arrête le chrono, attends, excuse-moi. Est-ce que je dois faire deviner mot par mot ou s'il trouve pas, j'enchaîne? Non, regarde, t'as pas le droit de passer. Le premier mot, c'était quoi? Surf. Bon, ben voilà, donc là, t'as le droit de dire, Bryce, il fait quoi? Il fait du, et elle te dit surf. Ah, ouais, donc c'est pas pyramide, en fait. Non, non, non, c'est pas un mot. Excusez-moi, est-ce qu'on peut saluer Christina qui a super bien briefé Bruno Salomon? Mais non, mais tu sais quoi, Bruno? Bruno, je te parlais, je voyais que tu m'écoutais pas. Mais je t'as qu'à engueuler les invités aussi, je te sentais. T'as une deuxième liste qui arrive. On va refaire. Attends, on va refaire. Bon, alors, vas-y. Antoine, on recommence à zéro. Okay. Attention, top chrono, c'est parti. Quand tu plantes des petites graines, tu fais quoi? Je sème. Ouais. Un avion qui va sur un bateau, c'est quoi l'avion? Le bateau. Un porte-charme. Bon. Faut passer, allez, vas-y. Quand t'es en haut, quand t'es le must, quand t'es arrivé, quoi, quand tu fais une chanson et que t'es que numéro un des charts, t'es quoi, t'es haut? Je suis premier, je suis en haut du classement, je suis. Quand t'es un modèle, t'es un. Un talent. Un quoi modèle? Un talent modèle. Ah, c'était top. C'est pas génial là comme ça. Putain, mauvais. Mauvais. J'avoue, Bruno, que c'est pas top. C'était le mot à trouver. Combien? Bah, ça fait un point tout pourri. C'est tout. Hein. Alors, rappelons que vous jouez pour un iPad mini. Que l'auditeur qui va gagner va repartir avec un iPad mini. Mélissa, tu joues avec Jean. Jean, t'es prêt? Il va falloir. Top chrono, c'est parti. C'est un oiseau avec des longues pattes très fines, d'une couleur. Pardon? Une cigogne? Non, non, mais c'est d'une couleur. Bon, je passe. Ouais, passe, vas-y, c'est trop Mon nom de famille, c'est quoi? Dujardin. Bon, t'enlèves le premier, la première syllabe, ouais. Quand c'est pas un pull, mais c'est un truc avec des boutons, ça s'appelle un. C'est pareil. Une veste? Ah, ouais, non, c'est un gilet en fait. Moi, Brice, par exemple, c'est pas un mec très, très, très futé. Il est pas très, très intelligent. Ouais, pas très malin. Oh là là, c'est exactement ça. C'est sympa ce nouveau concept de jeu où on vous fait deviner des mots qu'on vous dit. Voilà. Attends, les gars, vous mettez poivron, rillette. Sans déconner. Quoi? Moustiquaire. Elle a tout trouvé. Bon, putain, c'est trop dur. Antoine, Mélissa, vous savez quoi? T'énerve pas. Merde. Mélissa, Antoine, on vous offre chacun un iPad mini. Ah, super. Bravo. Vous pouvez leur offrir dès le départ. Et nous aussi, on a droit à un iPad mini. Non, walou. Et est-ce qu'il paraît que tu payes les impôts des gens, j'ai entendu. J'ai déjà essayé de payer les miens. Et je te remercie de mettre ça sur le sujet. Bon, ça s'est tourné quand, Brice 3, et ça s'est tourné où? Ça s'est tourné à Nice, à Bordeaux et en Thaïlande. Non, c'était à Hawaï. Ah ouais, c'est à Hawaï. C'est un secret. Et c'est vrai qu'il y a failli y avoir un duo avec Camping 3. Non, j'ai lu ça sur le net. Un crossover, mais tu Elliot. Veux dire. Non, attends, c'est vrai, regarde. Viens, on s'en branle. En fait, non, il y a eu un petit coup de fil avec Franck Dubos. Il tournait en fait un peu plus bas que nous, effectivement, vers Arcachon Camping. Et on avait eu l'idée, effectivement, de faire croiser Patrick Chirac. Tu vois, ça s'est pas fait. Truc intelligent. Ça s'est pas fait, on n'a pas eu le temps. Mais oui, c'est quelque chose d'intelligent. Merci. C'est bien, Elliot. Merci, un bon point. Une gommette. Allez. Et du coup, vous tournez en combinaison moulante, on vous voit quand même en petite tenue. Est-ce que vous vous mettez la pression en termes de sport avant un tournage comme Brice 3 ou pas du tout? Ah ouais, moi j'ai perdu 10 kilos en arrêtant de fumer pour Brice, que j'ai tout repris, bien sûr. Ah ouais. Mais et en combinaison, tout ça, c'est pas mal. La combinaison est faite pour aller à moins 40 et il fait plus 45. C'est bien, ça fait sauna. Ouais, c'est ça, ça fait sauna. Mais c'était très sympa. Et moi, je bosse tout à la Robert Mitchum. Robert Mitchum, c'est un acteur des années 40, je le dis pour quand même les auditeurs de Fun Radio. C'est important. Mais en fait, je joue tout, le ventre relevé comme ça, etc. Je fais un peu attention, mais j'ai arrêté de fumer aussi, donc c'est un peu compliqué. Tu enfles, quoi. Les amis, on n'a fait aucune remarque sur votre physique. Cherchez pas des excuses. On est pas 44 ans, pas mal encore. C'est pour des mecs de 82 ans. Ça, tu sais à quoi tu vois que t'avais gris? C'est quand tu commences à mettre des trucs avec des rayures au résultat. Moi j'ai perdu 15 kilos. Mais qui s'autocasse en fait. Mais non, je cherche un compliment, mec, t'es con quoi. Bon, les amis, on va faire un truc dans quelques secondes. Parce qu'à la fin du film, on va pas raconter le film, mais il y a un truc qui me fait beaucoup rire. Où en fait, vous faites des pseudo-compliments, mais en fait, vous pensez le contraire. Est-ce que je me suis bien expliqué? Ah oui. Voilà. Bien sûr. Et ben, on va faire ça sur Bryce Denise, sur l'ambiance du Bryce Denise 3 et sur entre vous des questions où faudra répondre le contraire de ce que vous pensez. Ok, on a rien compris. C'est ce que je fais tout le temps, moi. Oui, c'est toujours le contraire de ce que je pense. Mais on t'appelle Jean-Michel Fourcue d'ailleurs, je crois. Ouais, ouais. C'est en direct sur Fun Radio, on revient dans quelques secondes et puis. Je pourrais sortir le katana. Il y a Big Flo et Oli qui vont passer nous voir ce matin. Il faut le générique de Bryce 3 sur les écrans demain, les amis. On revient après ça. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. C'est en exclu, c'est chez U, les ventes privées live. Aujourd'hui, les ventes privées live, c'est sur le lot de 3 boîtes 200 grammes d'escalope de poulet cordon bleu, paire de dus, moins 25% de sel, à 4,95€. Oh. Et en plus, avec votre carte U, 2€ vous sont offerts en euros carte U. Mais c'est jusqu'à samedi seulement. Profitez des ventes privées live avec le prospectus. Conditions et magasins participants sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Transformés en France à partir de volailles d'origine France, soit 8,25€ le kilo. Pour votre santé, bougez plus. Showroomprivé.com présente. Une robe à petit col, comme portent les people. Un joli sac à main, comme portent les mannequins. Une jupe vraiment in, comme dans les magazines. Des escarpins classiques, comme dans les quartiers chics. Au bureau, elle cartonne. Avec showroomprivé.com. Les grandes marques, jusqu'à moins 70%, c'est tout le temps, donc c'est maintenant sur showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. The radio of the Chainsmokers is Fun Radio. Fun Radio, the Soul Dance Floor. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. And it's all c'est un casting de pom-pom girls. Bruno dans la radio. Bill à la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. 8h48 les amis, en direct avec nous ce matin, Jean Dujardin, Bruno Salomon pour ouais Brice 3. Ouais. Bon. Ah bien c'est de fou. Avant de faire rapidement le petit questionnaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va accueillir des auditeurs, d'accord ? Attention, je vais vous demander d'avoir un petit peu de perception de rapidité. Et les gens vont dire en disant, merde putain, tu fais chier. Quand est-ce que tu vas faire des émissions à 18h comme tout le monde ? On accueille des auditeurs, d'accord ? Ils donnent leur prénom. Et dès que je donne le top départ, il faut trouver le nom de famille façon Igor Dosgore, c'est pas vrai. Brice de Nice, etc. D'accord ? Ah, ok ou pas ? Afro, ils arrivent d'accord. Exactement. Des villes. Par exemple, moi, Bruno de Lacanau. Bah, et que des villes françaises. Okay. Ah ouais, en plus. Mmh. Ah bah oui. Ok. Je donne le top parce que d'abord, il faut que je l'accueille par son pronom. Donc on peut dire de Lacanau à chaque fois ou pas ? Si le mec vient vraiment de Lacanau, ouais. Inès de Lacanau, ça marchera pas. Bonjour Inès. Bonjour. Inès de d'Hermès de Bourg-en-Bresse ou de Port-Barcarès. Port-Barcarès, c'est pas mal. Embarès, il y en avait plein. Ouais. Des, Malès. Inès de Port-Barcarès, je prends, je te fais des bisous Inès. Bisous, merci. Elle vient que pour ça, c'est ouais, toi. Ouais, ouais. Sans déconner. Non, hey, on leur file des cadeaux. D'accord, bon, d'accord. Inès, t'as gagné une voiture. Ça valait le coup. Télécommandé. Ça m'a dit donc je vais gagner un car. Bruno, tu sais qu'ils peuvent te faire chier là-dessus. Tout ce qui est dit à l'antenne doit être vraiment. Des amorces, un hoodie, voiture télécommandée. Une petite voiture, une majorette. Voilà, exactement. Je sens que ça marche bien ce jeu. Vous savez quoi, je vais prendre le deuxième prénom et on va arrêter, vous allez voir. Okay. Attention, vous êtes prêts les garçons? Jean Bruno, au téléphone à Lille. À Lillebonne. Qui? C'est comment il s'appelle? Reynald. Bonjour Reynald. Oh, ouais, c'est oh, putain. Bon. On est dans la panade. De Donald. De Donaldville. Il y en a une, au moins, il y a une ville? Je sais pas. Mais vous auriez pu vérifier. C'est quoi, fin du game? Les amis. En le lançant sur Inès, je sentais déjà qu'il avait peu d'espoir. Non, mais attends, flamant rose, tout ça, c'est chiant. Mec, qui est déjà dans le jeu d'avant. Reynald. Reynald, c'est infaisable. On a tué le game. Ouais, c'est impossible. Il est mort, le mec, là, déjà. Reynald, t'es toujours là? Reynald, toujours là. Oui, je suis là. Reynald, t'as, Reynald. Reynald, t'as gagné une maison. Merci. Arrête, avec une famille dedans. De Playmobil. Ouais. On t'embrasse, Reynald. Bon, ouais, on s'en souviendra de ce jour, ouais, en tout cas. Pas refaire. Ouais, ouais. Vraiment, un gros moment de, moi, de radio. Je, ouais, je pensais que le mec savait, lui. Non. Non, non. Même les amis. Oui, nous sommes les descendants d'illustres animateurs de radio. Ouais, ouais, ouais. De Philippe Bouvard. Ah, je ne sais pas qui. Ce matin, nous avons rajouté une pierre à l'édifice de la radio française avec le jeu dont on ne reparlera plus jamais. Et de la nullité aussi. Oui, je sais. Ouais, des fois, il faut assumer. Hein. Je le disais à la fin du film, il y a une scène super drôle où Brice et Igor se disent le contraire de ce qu'ils ont l'air de penser. Dans ce thème-là, je vous pose des questions et vous me répondez en contraire. Je commence avec Bruno. Bruno, comment était l'ambiance sur le tournage du film? Pourri, catastrophique, ambiance. Ah ouais? De merde. Ouais. Non, faut dire le contraire. Ah oui, c'est vrai. Vous tournez souvent des scènes en maillot de bain ou en t-shirt moulant. Jean, c'est qui le mieux foutu du casting? Tu dois répondre le contraire. C'est dur. C'est clairement moi. Bonne technique. L'autovanne. Vous avez tourné. Ah, vous avez tourné une partie du film en Thaïlande. Comment est-ce que vous avez été accueilli là-bas? C'est à moi de répondre là. Vas-y, ouais. Bruno. Ouais. Par des pas de thaï. Ça marche pas si on fait un truc absurde. Ça marche pas. Comment on a été accueilli comme des merdes. C'est ça, très bien. En fait, il a peur de dire si la phrase est isolée, les gens vont dire bah dis donc, vous avez pas été cool. Non, t'inquiète, ça ferait pris dans son ensemble. Une petite dernière, Elliot. Bah, moi j'en ai parce qu'Eliot il a pas pris, il a pas prévu la feuille, l'affiche. Hein. Faut savoir qu'Eliot il prépare rien. Moi je suis là, je vous regarde. Non mais il a pas la paix. Mais il dort tranquille, on le fait chier. Eliot, tu vas dire, est-ce que c'est vrai que vous avez été accueilli comme des merdes? On voit pas la caméra, mais il a les yeux d'un acteur, Eliot. Incroyable, putain, les yeux de Nicolas Cage. Ah ouais, c'est vrai. Les yeux du gars. J'ai que les yeux, par contre. J'aurais dit non, la scie, moi. Au niveau des yeux, la scie, moi, j'aurais dit. Oh non, Nicolas Cage. Il y a un côté Nicolas Cage. Ouais, Cage, la version je pourrais sortir le katana. Les amis, applaudissements pour Big Flo et Oli. Ils sont là. Yo. Et bonjour. Salut les un gars. Un peu de jeunesse dans cette émission de Dieu, ah, c'était pas mal. Ici, là, on n'en peut plus là, c'est pas possible ça. Les gars, ils sont insolents, hein. Et cons de jeunes. Ouais, fatigués. Et tu sais quoi, ils ont, t'as entendu le son quand ils ont commencé en fait, quand ils se sont fait connaître, Big Flo et Oli, salut les garçons, c'était ça. Hein. Salut. Oh non, t'as sorti les dossiers déjà là. Ouais. De bon matin. Ouais. Xavier, quel âge à cette époque-là? Sur ce morceau-là, je 8, crois entre 8 et 10, je pense. Ouais, c'était il y a 5 ans quoi. Un peu plus longtemps, mais c'est un bon souvenir. Je sais pas où t'as trouvé ça, mais c'est fort. Voilà. Moi, je n'ai pas grandi physiquement depuis. Hein. Écoute. Mon grand-père. Ah, ça fait plaisir, c'est un bel accueil. C'est un bel accueil. Et Jean, comment ça s'est fait l'arrivée de Big Flo et Oli sur la chanson de Brice? On les a convoqués, on les a appelés. C'est, je crois, c'est par Kian que j'en dis aussi, qui nous en a parlé de Big Flo et Oli. Mes fils m'avaient parlé aussi de Big Flo et Oli. Bien sûr. On leur a proposé de faire un son, tu sais. Ouais, vas-y. Ah, vas-y. Et ils sont venus très spontanément, ils ont écrit un morceau qui est génial, quoi. Tout de suite, on s'est dit, ok, allons-y. Moi, je me suis laissé faire, je suis allé en studio. Et puis ils m'ont vanné pendant 6 heures. C'est vrai que Jean a joué le jeu vraiment. Il est venu toute une après-midi, on lui a appris à rapper. On a rappé ensemble. Simple, ça marche bien, ça marche bien. Ouais, plus de 5 millions de vues, c'est énorme. Et quand vous même. Étiez fan en plus, vous les gars de Brésil. Ah ouais, on est toujours fan. Ouais, on est toujours fan. Ouais, c'est on fait genre, on est potes avec Jean maintenant, ouais. Mais on est juste des gros fans. Quoi. On lui demande une photo à chaque fois. Et voilà. On a fait un petit clip du côté de Saint-Jean-de-Luz. On s'est régalé. Ouais. On a bien rigolé. On se fait le titre ou pas? On balance la chanson, vous chantez par-dessus parce que Jean a dit qu'il connaissait son rap par cœur. Donc on se le fait en live. Oh là là. Je vais essayer. Attends, ouais, vas-y. Non, mais il y a le son derrière. Pas de soucis. Vas-y, balance le flow. Ok, hey, c'est Big Flo et Oli en direct sur Fun Radio, les amis. Tu fais quoi pour un pote? Pour un copain? Ouais, pour un pote. Yeah. C'est important pour toi? MC Jean. Ouais, c'est même super important. Ouais. La place. Quoi? Me fait un peu chier que cette question. Toi, tu ferais quoi? Moi? Ouais. Même si ça serait un drame de la perdre, pour un poche, je pourrais quitter la plus belle femme de la terre. Lui laisser le choix du nom de mes futurs gosses. Partir 6 mois, apprendre le chinois en Écosse. Pourrais dire non le jour de mon mariage s'il me demande. Quitter une femme aimante et partir d'ici s'il m'emmène. On irait planter une tente dans une montagne au fond de la France. Déclencher une avalanche, mais rire quand même. Gagner au loto, lui donner chaque centime. Lui faire un résumé s'il participe pendant le film. Faire semblant de perdre, pour lui faire plaisir. Lui dire que ça me fait belle, pour lui faire plaisir. Je pourrais insulter un boxeur, une bonne sœur pendant de bonnes heures et me faire claquer, faire la vaisselle de bon cœur, vivre dans un bunker. Mais quel imposteur, je t'ai cassé. Me suivre dans ses délires, lui porter ses valises, promener son poisson rouge et partir surfer à Nice. Si je m'y attache, c'est pour pas qu'il me lâche. Je suivrai jusqu'au bout du monde, jusqu'à Fun Radio. Je pourrais sortir le katana, dormir avec des piranhas, ouvrir un bas dans le Sahara, lui dire ça va si ça va pas. Prends le premier avion pour Rio. Me lever pour Fun Radio. Je pourrais faire le tour de la terre. Mentir à sa mère. Je pourrais. Dis-moi, arrête un peu. Tu vas me dans la merde. Tu sais, la vie c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi? On me dit souvent, arrête un peu. Tu vas me dans la merde. Tu sais, la vie c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi? Aller en prison même si j'ai rien fait. Aller face à mon patron pour lui dire t'es qu'un faible. J'pourrais supporter n'importe quelle pression. Transporter un cadavre la nuit sans poser de questions. J'pourrais voler la suite, être un gosse. Prendre un coup de crosse, enfiler un bikini et du gloss. J'pourrais choper la gueule, avoir la dalle, passer des balles et me faire condamner, lui prêter 10 000 de balles. Il me les rendait jamais. La guillotine, je pourrais mettre un coup de boule à ma petite copine. Désolé chérie, je sais, je fais des trucs bizarres. Mais dis-toi, je lui laisserai même la dernière part de pizza. Je te casse. À 4h du mat, pour aller dépanner, lui prêter ma chambre pour un mois et qu'il y reste des années. Je pourrais faire tout ça pour lui, même si c'est un con. Et je pourrais peut-être même lui faire un son. Je pourrais sortir le katana pour un pote, dormir avec des piranhas. Tout le monde, pour un pote, ouvrir un bas dans le Sahara. Yeah. Pour un pote, ça va si ça va pas. Pour un pote, le premier avion pour Rio. Me lever tôt pour Fun Radio. Pourrais faire le tour de la terre. Mentir à sa mère. On me dit souvent arrête un peu. Tu vas te mettre dans la merde. La magnifique voix de Jean. Tu sais la vie c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi? Retouche. On me dit souvent arrête un peu. Tu vas te mettre dans la merde. Ah oui. Tu sais la vie c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi? Attention, concentration. Alors les gars, expliquez-moi, un pote c'est quoi exactement? Un genre de frère présent à chaque moment quand parfois t'as la nausée, à deux doigts d'exploser, la seule chose sur laquelle tu pourras te reposer. Ouais mais j'ai mon lit pour ça. Non Brice, tu comprends pas, ce qu'on te dit, ton ami, c'est ton seul rempart. Et la famille? La famille c'est pour la vie, mais y'a celle par défaut, et y'a celle que tu choisis. Mais ça me rapporte quoi? Rien, à part des rires et des galères. Non pas de fric et de salaire? Non rien, et écoute bien, si tu te perds en chemin, il donnerait tout ce qu'il a pas, c'est un avis. Attention. Les gars, merci, je crois que j'ai compris la valeur d'un ami. Le seul qui pourrait surfer avec moi le jour d'un tsunami. Parfois j'ai la nausée et que mon cœur pèse des tonnes. Donc les gars, on est potes. C'est vrai? Non, je déconne. Je vais être potes avec des rappeurs de merde. Et Jean Dujardin. C'est le bordel, c'est le bordel. En fait, ce que ça dit, c'est étonnant au début. C'est-à-dire que t'es prêt à laisser ta femme, tes gosses pour un mec. Quoi, bien sûr. C'est bizarre. Je crois que c'est un message. C'est un peu ça, ouais. On est en train de faire un remix, tu vas voir, ça arrive. Les amis, on vous garde encore 2 petites minutes. On fait un flash info, on vous reprend juste derrière. Il y a l'album de la bande originale du film Brice 3. Ça sort vendredi. Qui sort vendredi avec ce titre à l'intérieur. On fait un petit break de 2 minutes, on revient en direct avec Jean, Bruno et Big Flo. À tout de suite. Ce soir, 20h, 22h,

Avant de vous laisser partir, deux choses. Bruno, assieds-toi s'il te plaît. Je voudrais que tu nous parles de ce spectacle dont tout le monde me parle depuis une semaine et demie. Oui. Qui s'appelle Euphorique. On m'a dit, il paraît que le truc est juste ouf. Et le gars qui l'a dit, c'est Ruquier. Donc je me dis que le mec connaît deux, trois trucs un peu en termes d'humour. Ça se joue en ce moment. Et ça se joue en ce moment. Il y a 1200 personnages, tu m'as dit tout à l'heure. Non, c'est 43. Mais non, mais je sais que t'es... Non, mais c'est ça qui est magnifique. C'est que de 43, tu as transformé ça en 1200. Et moi, dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a 1200 personnages. C'est comme un film à moi tout seul, en fait, dans l'idée. Je raconte une histoire. En fait, le délire, c'est que c'est Ruquier, je crois même, qui t'avait vanné en disant t'es né en riant. Ouais, en fait non, on m'avait demandé quel est votre plus vieux fou rire, j'étais dit je suis né en riant et Ruquier m'a reposé la question un peu plus tard, on me dit c'est vrai que vous êtes né en riant et je me suis dit mais c'est pas vrai, il me pose cette question au premier degré. Je dis c'est Elliot ou quoi? C'est moi qui lui avais écrit, ouais. Et là je me dis il y a un truc à faire et puis c'est un peu ce qu'on nous dit, la vision qu'on a de notre métier, on dit vous devez vous marrer tout le temps et un jour à force d'entendre cette phrase, je me dis tiens, il y a un truc à faire avec ça. Je lui dis faire un personnage qui se marre tout le temps, le super spectateur, t'as même pas besoin de lui faire une vanne, il rigole, tu lui dis pamplemousse il se marre. Pamplemousse, c'est drôle. Ouais. Pamplemousse, c'est vrai que Pamplemousse, c'est marrant. Mais Cassoulet, par exemple, c'est moins marrant. Ouais, non, mais il se marre quand même. Non, mais voilà, une sorte de mec un peu fou, comme s'il était atteint d'une maladie, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un mec, par exemple, Brice, il le casse, il se marre tout le temps. Donc il est presque incassable, hein, en fait. Parce qu'en fait, il se marre tout le temps. Il y a une sorte de naïveté chez ce personnage. Et voilà. Et donc, c'est donc, où à Paris en ce moment? Dans quel salle? Au petit Montparnasse. D'accord. Petit Montparnasse à 21h, rue de la Gaîté. Il fait beau, c'est super. Il l'a lu, Jean, ou pas encore? Pas encore. C'est un sujet tabou. Non, il me l'a lu. Moi, il me l'a lu. J'ai eu la chance qu'il me le lise quand on était justement en tournage là-bas. Et je peux vous dire que vous allez retrouver. Moi, j'ai hâte d'y aller de toute façon. Mais je le connais très très bien, Bruno. Je l'adore pour ça, pour tout ce qu'il est. Il a une hyper sensibilité. Tu vois tout ce qu'il est et en même temps, il se planque derrière ses personnages. Mais il a un talent. Fou Bruno. Et une voix aussi de ouf. C'est non, ça mais qui est il fait. C'est, voilà. Si vous aimez Bruno Salomon, là pour le coup, vous l'aurez. Je vais vous payer 43 fois aussi. De plus. Non, mais c'est vrai. C'est beau. Voilà. Et dedans, il y a des vieux personnages comme Saturnin qu'on avait fait ensemble avec Jean. Il y a Roland Culé, il y a la caissière. Oh, il y a Roland Culé aussi. Il y a Roland Culé. Un petit coup de Roland Culé, vite fait. Je m'appelle Culé. Oh l'enculé. Et coïncidence, à chaque fois que j'ai un truc, tout le monde fait oh l'enculé. Ça c'est marrant. Allez, suivant. Et ouais, c'est un peu voilà, c'est tous les personnages, tous les gens qu'on a rencontrés. Roland Enculé, c'est un peu Ardisson. Quand on était avec Jean, on faisait des sketchs face à Ardisson et il était là, on lui faisait nos sketchs, il faisait ouais, c'est marrant. Allez, il se barrait. Nous, on était comme deux cons, on était deux gamins, quoi. On lui faisait nos sketchs, on lui disait c'est bien ou pas, on savait pas. Et c'était assez mignon à ces temps. Et en fait, ce monde cruel du divertissement, ouais, que je parodie un petit peu. Voilà. Il nous a filé un super coup de main quand même aussi. Et il nous a mis le pied à l'étrier carrément, parce que c'est lui qui produisait Graines de Star à l'époque. Il nous a tous lancé Graines de Star. Vous avez tous les deux fait l'émission, ouais. On a tous les deux fait l'émission. Tous les deux. On a gagné. Moi, j'avais gagné la première année. Et après, Jean était la deuxième année. J'étais son parrain d'ailleurs, ce qui est assez étonnant. C'est énorme. C'est quoi? La finalité de tout ça, je le dis, voilà, c'est l'instant tendresse de cette émission. Mais je trouve que ce regard que vous avez quand l'un parle de sa promo, il y a cette amitié qui, et ça fait plaisir. Voilà, c'était mon petit moment. Ouais, t'as raison de le dire. C'est vrai. C'est important parce que. C'est un peu le propos du film. Ouais. Et de la chanson, là. Exactement. C'est exactement ça. Il y a un truc avec les Nous C'est Nous, tous les cinq, on s'est toujours dit, voilà, on est un groupe, on est ensemble, on est très très différents. Mais on sera toujours là pour les autres. Tout le temps. Il n'y aura jamais eu de. Et j'ai jamais senti de mauvaises phrases, de piques, de jalousie. Ils se sont dit pareil avec Elie Simon et Dieudonné. Regarde non, ça fait un peu scout, mais c'est vrai. En plus, vraiment, on est d'abord potes avant d'être collègues. On est potes, on s'est aimé tout de suite. Voilà. Et puis alors, tout le parcours qu'il a fait, genre revenir aux sources aussi, revenir à ses premiers amours. Je trouve ça c'est classe, génial. Non, c'est mais c'est ça que j'ai envie de répéter les plombs. Le mec n'a pas changé, même de fringues. Mais grave. En fait, c'est ce que je voulais dire à Jean. Je le connais depuis un petit moment maintenant. Et l'Oscar, tu vois, tu dis le mec pourrait prendre un boulard énorme et devenir insupportable, etc. Et pas du tout. Et je crois que c'est souvent les gens qui sont autour de toi qui changent. C'est pas très grave, ça passe. Voilà. Puis c'est une question d'éducation. Je pense que les parents de Jean lui ont inculqué. Tu rigoles, mais c'est vrai. Putain, elle a fait un boulot, la Rome, énorme. Bien sûr. Après, t'as les pieds sur terre. Non, tu prends une petite baigne de temps en temps. Mais si je pète un boulard, moi j'ai trois frangins, je peux dire que je suis pas cher. C'est vrai. Je suis le petit dernier en plus. Tu vois, donc. Et dernière question avant de vous laisser partir, et c'est plus sous forme de joke parce qu'on en a parlé en antenne. Alors, OSS 117, le troisième volet. Faut demander à Zalavicius, c'est la patate chaude qui se démerde. C'est lui qui veut pas. Moi, je propose de faire Brice 117. On adorait. Il faut trouver la bonne idée. Voilà, juste la bonne idée. Mais je pense que Michel a envie, tout le monde a envie. Évidemment. Ah, ce serait parce cool. Que là, ça normalement, arriver. Ça vous amènerait dans les années 80. Si on continue, ouais, ça serait du côté de Mitterrand. Ouais, ouais c'est ça. Ça serait plus René Coty, ça serait Mitterrand. Ouais. On pourrait faire du 74 Giscard, tu sais, les diamants, tout ça serait intéressant. Commence à écrire, mec. Vendu. J'achète le scénario. Les amis, Brice sort demain, Brice 3 au cinéma, applaudissements. Merci et Big Flo et Oli, merci les gars d'être venus. Merci à vous, merci beaucoup. Merci l'équipe. Le film est juste génial. C'est des barres allez-y, de rire. Allez-y, ouais. C'est le film, tu te dis, putain, j'aimerais avec mes potes faire ça et sans filtre. Allez-y, ouais, n'y allez pas à jeun. Merci les gars, merci d'être venus merci ce matin. C'est un vrai Bruno. Plaisir. Merci. Hein. Merci beaucoup. Vive les Bruno. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Bon les amis, on va revenir demain. Ouais. Alors faire une émission un peu mouvementée. Moi je m'arrête là-dessus. On a reçu Jean Dujardin, Bruno Salomon, j'arrête tout. C'est quoi ? Moi je dis, vu qu'on n'a pas eu le temps de faire le top 3 des autres, je dis qu'on peut finir l'émission avec le JPI. Avec un petit quart d'heure de retard. On a un JPI sur le coude ou pas ? Allez, on finit avec ça. Voilà. Bon courage Jean et Bruno, vous allez voir. Quoi, non, vous pouvez partir maintenant hein, si vous voulez. C'est le faux journal de l'émission. Ah. Ah. Et ça Ricolade. Ah oui, ça c'est Ricolade. Radio Brasil. Le JPI sur Fun Radio. Et là, je me mets à la place de Mika et de Karina. Oui. Balancer des vannes devant Bruno Salomon et Jean Dujardin, bah, bonne chance. Qu'on en a à foutre. Rien à péter. Allez, bonjour, je suis Karina Sianer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer, manifestation, les policiers ont manifesté en pleine nuit sur les Champs-Élysées. Ah, et pourquoi pas en plein jour ? Ah bah non, le jour c'est apéro, hein. Tour de France. Le Tour de France 2017 partira de Düsseldorf en Allemagne, puis passera par la Belgique et le Luxembourg. Et par la France ? Ah, on attend la confirmation, c'est pas. De nouvelles cavités ont été découvertes dans les pyramides de Khéops en Égypte. Anthony Wojcicki est parti enquêter. Anthony ? Waouh, c'est impressionnant, j'ai jamais vu un espace pareil. Ah, vous êtes dans les cavités de la pyramide de Khéops, Anthony, non ? Non, je suis dans une cavité dans le crâne de Nadine Morano. Ah oui, il y a beaucoup d'espace aussi, mais on n'y trouvera jamais un morceau d'histoire en revanche. Hein, la suite. Et pour finir, si vous aimez les légumes et la haute couture, découvrez les endives Saint-Laurent. Ah oui. Bah voilà, c'est la fin du JPS. À demain. À demain. Je savais que ça marcherait en Yves Saint-Laurent. Les amis, on revient demain. Bonjour la famille. Hey, j'ai Jean Dujardin pour démarrer mon émission. C'est quand même un truc de ouf. Il est parti. Oh, il est dodo encore. Non, il est encore là. Mais il est dans le studio, c'est vrai. Moi, quand je vais dire ça à ma mère, si tu veux, alors là, laisse tomber. Mika vous accompagne jusqu'à midi sur Fun Radio. La famille, on sera demain de retour à partir de 6h. Tout ce qui s'est passé ce matin en podcast est sur la page Facebook. Boosty dans quelques secondes pour attaquer le 9-12. Et puis, The Parakeet sur Fun Radio. Bisous la famille, à demain. Ciao. Bisous. La fin de la promo. About to land after years of joy. Life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me.